bonjour. J'ai peut-être pas invité le maximum de personnes, mais merci pour tous ceux qui me suivent ce nouveau jour de l'an 2022. Soyez tous donc salués, disais-je au début. Je vais donc ici pouvoir premièrement vous faire le bilan. Le bilan des enseignements de votre humble serviteur, le bilan des activités de l'an 2021. Sur tout ce que nous avons pu faire ensemble et tous les soutiens que vous m'avez apportés. Au-delà donc de ce bilan, je vais clôturer donc l'année, et pour ne pas dire commencer l'année 2020, avec quelques enseignements. Je vais vous donner quelques avis sur les variants spirituels. C'est vrai que nous avons connu les variants du point de vue scientifique, médical, mais je vais vous amener dans les variants spirituels. Est-ce qu'ils existent? Qu'est-ce que c'est un variant spirituel? Bien sûr, je vous amènerai d'abord dans la médecine. Qu'est-ce que c'est un variant? Mais ici, il s'agira de vous faire un tout petit peu un rappel sur les variants auxquels vous devez faire face. Et justement, comment faire face à ces variants? Et vous donner le bilan de l'an 2021. Et vous autorisez de poser des questions, puisque c'est le nouvel an. Alors, je vous accorde le temps d'éviter le maximum de personnes. Le rendez-vous était fixé pour 21h, mais j'ai commis une erreur en disant 20h. Veuillez me pardonner, parce que le calendrier était toujours... était échappé, puisqu'en ce moment, je vous parle, ici, on n'a pas connu de neige. Depuis un bon moment, on est en train de se poser des questions. Donc, du coup... j'étais déjà habitué, je pensais qu'on était plutôt en été, d'où j'ai ramené à 5h15 au lieu de 6h. Alors, invitez le maximum avant qu'on démarre. Une fois de plus. Donc, nous allons tout de suite donc démarrer pour pouvoir partager avec vous, en fait, quel était le bilan en 2021. Vous êtes sûrement étonné que, mais les années précédentes, on n'a jamais parlé de bilan. Oui, il est important quand même parce qu'il faut reconnaître qu'il y a eu des changements, surtout particulièrement l'année 2021, Il y a des chiffres qui m'ont vraiment beaucoup motivé. Et les années avant cela, bon, je n'avais pas une équipe qui pouvait suivre de près tous les mouvements, n'est-ce pas, dans tous les domaines bien précis. Donc, je vais donc partager avec vous un peu quel bilan fait-on de nos activités au niveau de différents milieux, de différentes zones où j'anime des enseignements. Donc, je vous parlerai d'abord du côté de la chaîne YouTube. Donc là, vous me suivez. Et vous avez constaté que le nom a changé à la demande de l'esprit de Simon Kimbangu. Il m'a pas demandé, mais il m'a dit, tu es l'élu de Tatanzambe. Alors, du coup, alors je dis, tiens, il faut que je change le nom parce que c'est un peu trop long. Au départ, c'était Tetanzambe, le Tout-Puissant Kana. Ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse au Bwiti. Vous savez, c'est à partir du Bwiti que je me suis inspiré de ce nom. Et maintenant, donc, le nom qui est sur cette chaîne, que vous suivez tous, que vous êtes abonnés, c'est l'élu de Tetanzambe. Ça, c'est plus clair. Qui est l'élu de Tetanzambe? Ben, c'est votre humble serviteur qui est ici. Et qu'est-ce que c'est un élu? Je crois que je l'expliquais plusieurs fois, que ça n'a rien à voir avec une sélection spéciale ou un esprit spécial, que maintenant je vais être le grand sauveur. Ça n'a rien à voir. Un élu, comme le disait le prophète Simon Kimbangu, tous ceux qui participent de loin ou de près à la mobilisation, à la sensibilisation, à l'éducation, à l'inspiration et surtout, j'insiste sur le mot la sensibilisation au retour de nos sources, pour pouvoir justement sortir des trois formes d'esclavage ou de colonialisme. Nous avons trois formes. La première forme, c'est une colonisation purement économique, et je peux revenir dessus. Nous avons également connu la colonisation religieuse, spirituelle, et nous sommes en train de nous battre sur la colonisation politique. Donc, l'optique, l'option, la cible, c'est notre frère, le Codem, c'est nos frères blancs. Ils deviennent notre cible, pas on va les tuer, mais pour dire que aujourd'hui, au lieu que nous nous plaignions, mais nous allons faire tout pour cet an 2022, atteindre certains objectifs. Justement, dans le cadre de restaurer nos standards de la société originale, traditionnelle. Sensibiliser les jeunes, les talentueux qui le sont. Il y a des jeunes qui sont des artistes, que ce soit artistes dans la peinture, artistes dans la musique, artistes dans le cadre de création, de créativité, d'autres choses, artistes dans le cadre, n'est-ce pas, de nos valeurs culturelles, de nos traditions, et cela doit être reconnu et rehaussé. Donc, je commencerai ici de vous parler du bilan des choses que nous avons pu faire en 2021. Vous et moi, nous avons fait beaucoup de choses. Il est vrai que je suis l'acteur principal que vous avez choisi, mais ceci ne pouvait être possible sans vous. Alors, nous allons donc nous rendre sur notre chaîne YouTube ici, l'élu de Tetanzambe. Vous, vraiment, vous m'avez impressionné. Et je tiens donc ici personnellement et avec mon équipe, tous les administrateurs, de vous dire une fois de plus merci pour tous ces progrès que vous avez faits. Voyez, la plupart des gens que j'ai autour de moi, c'est des jeunes qui maîtrisent très bien la haute technologie, mais beaucoup sont encore à l'école, beaucoup sont très occupés, beaucoup ont à peine le temps de pouvoir s'occuper d'eux-mêmes. Ils se cherchent. Alors voilà pourquoi il y a beaucoup à faire sur cette chaîne. Par exemple, nous sommes en train de travailler sur des sécurités qu'il faut mettre, car j'ai retrouvé mes enseignements dans pas mal d'endroits et il y a des gens qui sont en train de les pirater. Ils préparent des audios, des vidéos et qui les vendent au quartier. Ça m'a été rapporté et ils m'ont envoyé même les copies. Les personnes en question étaient identifiées à partir de leur numéro de téléphone dans mes forums. C'est triste. Mais, d'une part, je pardonne ces gars-là. Mais attention, justement, nous allons parler des variants. Quand nous allons parler des variants, vous verrez que c'est dangereux de pouvoir profiter de ce que les autres ont fait, de pouvoir vivre paresseux, de pouvoir voler et d'attendre tout qui tomberait du ciel. Ça, c'est la religion de Mundele qui est venue nous enseigner ça, la foi. La foi, c'est de vivre simplement comme ça, d'attendre que Dieu fasse un miracle. Ça, je ne crois pas cela. Et je ne vous encourage pas non plus. Je ne vous encourage pas de vivre par cette foi-là, aveugle. Vous comprenez? Mais de vous lancer. Parce que la foi encourage la paresseuse. Ce qui explique pourquoi certains pasteurs, que mes frères pasteurs me pardonnent, deviennent des paresseux. Sauf mes frères qui sont des pasteurs. J'en ai même discuté avec un qui vit ici aux États-Unis, d'origine africaine. Il a un boulot, mais il est pasteur. Paul lui-même, le fondateur, était pasteur, directeur et fondateur de l'église que vous voyez aujourd'hui, les églises que vous voyez à gauche, à droite. Mais lui-même, il a travaillé et il avait condamné les pasteurs qui ne travaillent pas. Bref, donc il nous faut, avec ce nouvel an, être déterminés à travailler. Et donc, je disais, je tiens à vous féliciter. Car il y a beaucoup à faire. Par exemple, sur cette chaîne, comme je le disais tantôt, pardonnez-moi, il va falloir mettre des protections. Ces protections vont empêcher les gens de pouvoir voler mes enseignements, car il y a des signes qui ne trompent pas. Et le FBI va suivre cela de près. C'est-à-dire qu'une fois la personne vole, télécharge sans mon autorisation, il y aura des alertes. Et ce sont ces alertes qui vont permettre donc une décharge automatique à distance. C'est-à-dire que même si vous téléchargez mes enseignements, eh bien, vous allez être surpris que ça va être déchargé complètement et récupéré. Une forme de hacking, quoi, une forme de technique de hackage. C'est moi-même qui vais faire ce hacking-là sur mes propres enseignements. Parce qu'il n'est pas normal que vous profitiez, comme certains l'ont fait il y a 2 ans, de pouvoir vendre mes connaissances sans mon autorisation. Alors que je ne vous charge rien, vous êtes là assis, vous ne me payez rien du tout. Parlant du bilan, je vais vous parler de ceux qui m'ont quand même soutenu, ceux qui ont participé activement pour la survie de cette chaîne et qui m'ont motivé parce que j'étais prêt à baisser les bras et à ne plus être avec vous et à me concentrer à autre chose. Le premier bilan donc qu'on fait, c'est celui-là. C'est un bilan positif car pour l'an 2021 jusqu'à hier, nous avons eu un total de 1620 abonnés. 1620. Et quand vous comparez avec le nombre d'abonnés que nous avons dans les forums, nous avons seulement 1569 abonnés. Voyez-vous, je répète, nous avons 1569 abonnés dans les forums. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas membres des forums, mais qui se sont abonnés dans ma chaîne YouTube ici. Et ça, cela est vrai, parce que je connais des frères blancs qui ne s'intéressent pas à être dans les forums, mais qui font des recherches ésotériques et qui, avec mon autorisation, bien sûr, ils ont payé, je ne vous le cache pas, de pouvoir télécharger, de prendre certains de mes enseignements pour qu'ils puissent faire des études de comparaison par rapport à leurs recherches sur le peuple kénite. Voyez-vous? Donc, ils font partie des 1620 abonnés. Alors, grand progrès et bravo. Je vous remercie beaucoup. Donc, en moyenne, si vous comptez bien, nous avons eu plus de 133 abonnés par mois. C'est un record. Un record, ben, par rapport aux années précédentes où les gens ne me motivaient pas du tout. Ça veut dire que quelque part, malgré les attaques que je subis, ouais, je raconte n'importe quoi, ouais, je suis fou. Il y a des gens qui saisissent mes messages. Il y a des gens qui sont sensibles. Et vous serez surpris sur le nombre de personnes qui me soutiennent. 84% sont des intellectuels. 84%, c'est des intellectuels. Et quand je parle d'intellectuels, il y a des médecins, il y a des ingénieurs. Il y a à peu près 30% parmi ces intellectuels-là qui sont encore des étudiants en fin de cycle. Mais la majorité, c'est des CEO, donc des directeurs généraux d'entreprise et d'autres qui m'ont sollicité, par exemple, au cas du counseling, et on en parlera, le nombre de conseils que j'ai portés, parce que ces personnes font partie des personnes que j'ai porté des conseils. Parce que je vous ai dit, je fais du coaching également. Donc, 1620 abonnés, bravo et félicitations. C'est un record, à raison de 133 abonnés par mois. Maintenant, pour l'an 2022, je souhaite que ce soit un peu plus. Si on peut aller à 200 abonnés par mois. Si on peut aller, pourquoi pas à 500 abonnés par mois? Parce que je vous avais dit que pour pouvoir bénéficier un peu plus d'enseignement, pour pouvoir bénéficier des rites, je vous ai parlé des milliers de rites. Et il y a des gens qui attendent sur le rite de l'Iboga. Rassurez-vous, je vais vous donner un rite gratuit aujourd'hui sur l'Iboga. Là. C'est surtout pour les hommes. Les hommes qui souffrent de ce qu'on appelle le dysfonctionnement érectile. Je vais vous donner une formule gratuite. Si j'oublie, rappelez-moi quand vous allez poser des questions. D'accord? Je vous donnerai la formule. C'est le cadeau que j'ai promis vous donner pour le début de l'année. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent, qui sont fidèles à leur mari, mais malheureusement, les maris déconnent parce qu'ils ont trop de petites à gauche à droite. Et vous savez que quand vous avez beaucoup de petites à gauche à droite, tiens, je réserve ce chapitre sur les variants. Parce que ça fait partie des variants. Bien. Donc, les 1620, disais-je, c'est vraiment bravo. Parce qu'alors, je vous parle, nous sommes déjà à 5600 combien là? Presque à 5700. On arrive bientôt à 6000. C'est pas mauvais. C'est pour vous dire qu'on va à un record tel que nous le souhaitions. Et j'aurais souhaité que cette année 2022, nous puissions avoir les 25 000 abonnés que YouTube a donné le feu vert. C'est-à-dire que YouTube autorise une forme de, qu'on appelle, d'incite en quelque sorte, que je vais instaurer sur la chaîne YouTube, et de prendre tous mes enseignements YouTube, de les incorporer dans une forme de blog en ligne directe, où les gens peuvent verser des sommes d'argent pour me soutenir. Vous pouvez payer 2,99 ou bien 2 euros par mois, tant mieux. Et également, pendant que je donne des enseignements qui ont sauvé des milliers de vies, je vous donnerai le bilan tout à l'heure, alors les gens peuvent donner, pendant que je parle, je suis en train de vous parler, en ligne et les gens payent. Mais YouTube a dit ne peuvent pas m'autoriser tant que je n'ai pas atteint ce quota de 25 000 abonnés. Donc la balle est dans notre camp. Cette chaîne, pour ceux qui ne le savent pas, elle existe depuis 2000. Elle est très active depuis 2019. Elle a été créée en 2018, mais je le faisais pour moi-même. Mais en 2019, c'est là réellement que cela, le public a commencé à connaître et suivi par les forums. Nous avons eu 221 consultations. C'est-à-dire, quand je parle de consultations, ce sont des consultations spirituelles. Rassurez-vous, voilà mon carnet. C'est un carnet de près de 300 pages. C'est là-dedans où toutes les consultations sont enregistrées. Alors, nous avons eu 221 consultations pour l'année 2021. Alors, je vous parle, j'ai encore d'autres consultations ce soir. Mais s'il vous plaît, laissez-moi respirer un peu. C'est le nouvel an. Je suis un humain, j'ai envie de m'amuser avec les amis. J'ai envie d'aller m'amuser un peu avec les collègues qui m'ont invité. 221 consultations. Et sur ces 221 consultations, il y a eu des cas sociaux. C'est-à-dire, 97 seulement ont payé les frais des consultations. 97 personnes, qui pour la plupart sont des femmes. Bravo à la jeune féminine, bravo à nos mamans. Malgré les difficultés qu'elles ont, certaines ne travaillent même pas, certaines sont des étudiantes, mais elles se sont débrouillées à payer leurs consultations. Mais, comme je le répète, sur les 97 qui ont payé, ce ne sont que des femmes. C'est triste. Et j'ai essayé de déterminer, puisque j'ai la liste des noms, il y a eu 67 femmes qui ont, parmi ces 97, et le reste, c'était des hommes, 30. Donc, sur 221 consultations, il y a eu seulement 30 hommes qui ont payé. Et pourtant, dit-on, les hommes ont plus de moyens que les femmes, n'est-ce pas? Donc, mes frères, faites des efforts de me soutenir. Et bien sûr, vous faites la différence, il y a 124 personnes qui n'ont pas payé. C'est-à-dire, les gens me dérangent au milieu de la nuit, pendant que j'essaie de me reposer, pendant que je suis entre deux boulots. Les gens m'appellent, oui, maître, une consultation. Je dis, mais vous savez qu'il faut payer. Oui, mais je n'ai pas d'argent, vraiment, c'est une urgence, s'il vous plaît. Donc, sur les 221, il y a eu plus de 50% qui n'ont pas payé. Et pourtant, quand vous vivez en France et en Afrique, même si vous êtes chômeur, mais j'ai vu des gens aller dépenser 1 million, aller voir le marabout, s'embêter. Et j'ai eu une maman, je ne veux pas donner son nom, elle est en train de me suivre, en Côte d'Ivoire. Elle a été roulée par un homme, soi-disant un voyant, qui est allé jusqu'à lui demander près de 15 millions. Sauf si j'exagère. Elle a dépensé près de 15 millions auprès de ce papa-là. Pour lui dire la même chose que je lui ai dite il y a 2 jours, je l'ai consulté. Et elle le sait. Je lui ai demandé combien? 130 000 francs CFA. L'équivalent de 130 000 francs CFA seulement. Sur la même chose. Et moi, je suis rentré dans des détails profonds. Dans mon temple ici. Elle était depuis la Côte d'Ivoire. On ne s'est parlé au téléphone. Et après, je l'ai mis sur vidéo. Elle m'a fait un témoignage poignant. Qu'elle s'est fait rouler en soi-disant par un marabout. Et ce fameux marabout est allé jusqu'à escroquer les hommes politiques du Gabon, mon pays. Elle m'a cité le nom, mais je ne vais pas citer le nom. Grand quelqu'un au Gabon. Vous voyez comment ces gens-là intimident les gens? Oui, oui, moi je travaille avec les grands quelqu'un. Mais oui, mais tu peux travailler avec les grands quelqu'un étant un macro, bref. La personne a dépensé près de 15 millions de francs CFA. Et cette jeune dame me dira que le monsieur est allé jusqu'à lui demander à vouloir lui faire des bains. Et lesquels bains coûteraient encore des millions. Alors que les gens à qui je fais des consultations, les bains là, c'était gratuit pour la plupart. La petite consultation de 130 000 francs CFA seulement. Et je vous rassure que sur les 130 000, mais qu'est-ce que je fais? Plus la moitié de ça, j'injecte ça dans d'autres projets. Par exemple, le projet du livre, je mets ça de côté. Parce que vous ne me donnez pas. Et c'est avec ces petites cotisations-là. Or, le livre, pour faire imprimer un livre aux États-Unis, en moyenne, c'est 35 000 dollars, l'équivalent de 18 millions de francs CFA. Donc, rassurez-vous, les consultations, donc, je ne les utilise même pas pour moi-même. Je ne consulte aucune maison avec. Mais si je vous montre, si je vous dis, je n'ai rien à vous cacher, sur les 124 qui ont payé, il y a certains qui payaient à compte-goutte. Certains payaient seulement 100 000 francs. Et c'est, prenez la moyenne de 100 multiplié par 124, ça fait combien? C'est facile à calculer, ça fait 1 240 000 francs CFA. Et le 1 240 000 francs CFA, j'ai mis près de 900 000 francs de mettre de côté la cagnotte du livre, parce qu'il faut que je fasse sortir le livre. Ça veut dire que moi-même, pour nourrir mes génies, les génies qui me donnent l'intelligence de parler avec vous, je leur ai donné seulement une petite somme de 300 ou 400 000 francs. Je trouve que ce n'est pas gentil, ça, de ma part. Au niveau des forums, nous avons eu au total 1569, je vous ai déjà parlé, et les forums en question, c'est Telegram et les trois WhatsApp. Les trois WhatsApp, parce qu'il y a un WhatsApp qui vient d'ouvrir, qui se trouve du côté du Maroc. J'ai mon fils là-bas au Maroc qui m'a motivé et qui m'a connu qui m'utilisait le plus quand je suis dans le monde de la politique. Je vous ai déjà parlé de lui plusieurs fois. Donc lui, il m'a dit, papa, non. Les deux autres forums de WhatsApp, c'est déjà étouffé, c'est plein. Et c'est vrai. Oka Afrique. Et l'autre Oka Afrique, Baobab et Oka, Afrique, Baobab. Tout est plein. Donc, il a fallu qu'on crée un troisième, c'est celui du Maroc. Et là, bientôt, lui aussi, il va être fermé. Voilà pourquoi j'encourage les gens de venir au niveau du Telegram. Parce que dans le Telegram, on peut aller jusqu'à 100 000 abonnés. Bravo également pour les progrès. Car au niveau du Telegram, j'ai constaté un progrès énorme. Et en matière de conseils, pratique, c'est-à-dire ce que j'appelle conseil pratique, veut dire au niveau du coaching, j'ai eu 182 consultations. 182 personnes que je fais du coaching. Bien sûr, le coaching, ce n'est pas gratuit, il faut payer. Et parmi les 182, il y a eu 120 personnes qui ont réussi. Donc, c'est plus de 50, voire 60% de réussite. Je tiens à remercier donc nos entités. Il y a eu 96 guérisons. Et 96 guérisons ont été opérées pour la plupart à distance. Seulement 5% ont été opérés par des frères qui sont des prêtres, des confréries africaines, à qui je redonnais le relais. C'est-à-dire que quand quelqu'un me demande l'huile du boa, ou bien me demande certains éléments que je ne peux pas trouver, par exemple, moi, là, en ce moment, ça fait bientôt 2 ans, je n'ai pas de liboga, moi, j'utilise plus le boa. Alors, en ce moment, je recommande donc auprès des autres frères, soit des frères du Bouiti, soit des frères de la confrérie du Roi Makoko, soit des frères de la confrérie Mouyama, de la confrérie Mahat, bien d'autres confréries, ou du Mali, ou du Sénégal. Et là, là-bas, ils vont suivre les traitements. Donc, sur les 96 traitements, je dirais, près de 90%, c'est moi-même qui les ai faits, à distance, bien sûr. Soit c'est des traitements que je fais pour... Beaucoup d'entre eux, c'était des religieux. Je priais pour eux à distance. Et puis, les guérisons se sont opérées. J'ai enregistré 224 témoignages. Les témoignages, ce sont des personnes qui, pour la plupart, ont honte de parler là-bas dans les forums, mais ils m'envoient des messages de félicitations et témoignent de leur succès dans tout ce qu'ils ont pu faire. Pour la plupart, certains ne sont pas abonnés. La plupart, c'est des hommes politiques, des hommes d'affaires, mais au moins avec 40% des personnes qui sont abonnées qui viennent témoigner. D'accord? 224. Des témoignages sur des nouvelles opportunités, des témoignages sur des études supérieures, des témoignages sur des boulots, des témoignages sur les voyages. Et le chiffre effarant qui va vous faire vraiment, qui va nous donner nous tous la honte. Regardez bien les nombres, hein. Je vais prendre le nombre maximum, 1620 personnes. Sur les 1620, y compris les abonnés, il y a eu seulement 4 personnes, je dis bien 4, qui ont pris la peine de me contacter en privé. Parmi les 4, il y a 2 femmes et 2 hommes. Ils se reconnaissent. 2 vivent en France. La dame et le monsieur qui ne se connaissent pas vivent en France. Et les 2 autres, la dame, elle vit en Côte d'Ivoire et le monsieur vit au Gabon. 4 seulement qui ont dit, monsieur Onouvier, ce que vous faites, c'est épouvantable. On ne peut pas se permettre de vraiment vous négliger comme ça. Parce que nous avons tenté, le monsieur m'a fait le témoignage que lui-même, il a tenté l'expérience de cet rite, le fameux rite du cimetière d'aller prendre le chapeau noir. Le monsieur est en possession de ce chapeau noir. Et le monsieur se fait 2 millions. Donc, par reconnaissance, il ne m'a pas envoyé de l'argent. Mais je ne vais pas vous cacher, il m'a trouvé une propriété quelque part, mais je ne vais pas vous dire où. J'ai eu la chair de poule. Il me dit, non, monsieur Onouvier, que voulez-vous que je fasse pour vous? Puisque vous, vous ne voulez pas venir au pays, vous ne voulez pas ceci, cela, que voulez-vous? J'ai dit, mon rêve, c'est... je vais prendre bientôt ma retraite, moi, je ne sais pas, moi. Oui, je vous suis souvent, vous parlez de retraite et tout, mais... Je vous avais laissé des propriétés au pays. J'ai dit, oui, mais elles sont calboignées, hein, parce que les parents... moi, j'aimerais bien avoir une propriété de retraité. Bref, vous comprenez de quoi je parle. Donc, il m'a trouvé une propriété. Tout est signé à mon nom. Voilà. Ça, c'est un exemple de soutien. Je ne demande pas à tout le monde d'aller m'acheter une maison de 150 millions. Je n'ai pas demandé cela, s'il vous plaît. Chacun a ses moyens. D'accord? Ou il allait acheter une maison de 10 millions. Je ne vous ai pas demandé. Mais je viens partager avec vous que sur les 4 personnes, des gestes qu'ils ont posés, c'est vraiment touchant. Bien sûr, les 3 autres m'ont envoyé de l'argent. Plus d'une fois. Ce jeune homme qui vit en France, plus d'une fois, il m'envoie de l'argent. Il me dit, monsieur Onouvier, ça c'est pour vous. Merci, parce que vos enseignements m'ont touché. Vos enseignements ont changé ma vie. Vos enseignements m'ont marqué. Grâce à vos enseignements, j'ai pu m'en débarrasser des scories. Je puis m'en débarrasser des variants. C'est moi qui ajoute. Je vous parlerai des variants tout à l'heure. Voyez-vous, 4 seulement sur 1620. Est-ce que vraiment vous me motivez? Je le répète que moi, je n'ai pas besoin de votre argent pour vivre. Je le fais que vous le répétez tous les jours. J'ai un boulot. Mais quand même, ayez pitié. Si je vous fais écouter les messages, je garde la discrétion. Nous sommes le 1er janvier, n'est-ce pas? Je suis supposé être tranquillement assis, en train d'enjoy, comme on le dit, c'est-à-dire en train de me retrouver auprès de ma famille. Pourquoi pas aller chez des amis? M'amuser comme les autres. Mais, regardez des messages comme si. Je répète, si la personne est en train de suivre, je ne vais pas citer son nom. Bonjour, comment allez-vous? Je pense que vous portez bien haut. Bonne heureuse année. Je m'appelle, je ne vais pas citer son nom. Je suis architecte, résident à, je ne vais pas citer le pays. Je viens de vous couvrir, je viens de vous découvrir à partir de ma femme. Tiens, sa femme est abonnée, elle me suit beaucoup. Je me retrouve dans des problèmes que je ne vois pas d'issue. Un déclin, mon travail, ma situation financière, ma famille. Je ne sais même pas par où commencer. Je me sens vraiment en train de perdre totalement. Je viens à vous, monsieur, solliciter votre aide. En attendant d'avoir un signe de votre part, je vous appellerai directement. Je ne suis pas contre. Mais ça, c'est un exemple d'un message d'urgence. Mais je reçois des milliers comme ça, s'il vous plaît. Et quand je reçois des milliers de messages comme ça, que je fais mon mieux de me tracasser à vouloir aider la personne, aucun signe de reconnaissance. Mais entre-temps, je vois qu'il y a des marabouts qui sont en train de s'enrichir au Gabon, mon pays. C'est pour ça que je vous dis chaque fois, j'ai un problème contre les marabouts. Parce que ce sont eux qui ont mis le pays, mon pays, le Gabon, par terre. Ces marabouts-là vont auprès de ces femmes-là et ils escroquent beaucoup plus nos mamans. Hommes comme femmes, leur demander des millions. Et si je vous prends l'exemple de cette jeune Ivoirienne avec qui j'ai discuté, le marabout en question lui a demandé 15 millions pour juste lui parler d'une consultation que... Il n'est même pas rentré dans le détail. Moi, je suis rentré dans le détail. Je lui ai expliqué l'origine des pouvoirs qu'elle a. Je lui ai dit, c'est sa grand-mère, ceci, cela. Elle m'a donné le bassé. C'est une Ivoirienne que je ne connais même pas. Elle vit dans un village, je ne sais pas où. Et combien elle a payé? Elle a payé 130 000 francs CFA, équivalent de 250 dollars seulement. En temps, le papa lui a escroqué près de 32 000 dollars. Et je ne vais pas demander à la dame 1 000 ni 3 000 $. Non, des exemples seulement pour vous dire que quand je reçois des messages comme ça, c'est le 1er janvier que le monsieur m'envoie. Rassurez-vous, monsieur, je ne vous fâchez pas, mais j'ai pris cet exemple. Je ne vais pas citer votre nom, je n'ai pas dit le pays où vous êtes. Mais pour vous dire que c'est une urgence, n'est-ce pas? Mais savez-vous qu'il y a des moments, juste même en train de jeûner, en train de méditer, les gens m'envoient des messages à 1h du matin alors que tout le monde connaît ma vie ici, que moi, entre minuit et 2h du matin, je médite. Je suis en communion avec mes entités. Je suis en communion avec les génies de l'Inde. Je suis en communion avec les génies du Brésil, vous ne savez pas lesquels. Des milliers de génies avec qui je travaille. 24 sur 24, je suis très occupé. Mais la moindre chose, une fois on vous fait les travaux, une fois j'interviens, il y a des personnes qui ne me disent même rien. Et je suis obligé d'appeler. Alors ça a été, oh oui, merci maître, ça a été. Mais mon Dieu, il a fallu que j'appelle. Donc, c'est un exemple. Je ne veux pas vous lire la suite. Il y en a des milliers comme ça. Si je prends mon autre téléphone là-bas, oh, j'ai parfois le vertige, j'ai les larmes parfois. Je suis un humain. J'ai les larmes parfois quand j'écoute les mamans. Par exemple, il y a une maman donc, qui est embêtée par des hommes. Bref, il y a des milliers de cas comme ça, des témoignages. Mais, imaginez-vous que depuis près de 2 ou 3 ans, il n'y a que 4 personnes seulement. 4 qui m'ont soutenu. Qui m'ont dit, monsieur Onouvier, vous faites trop, voilà. C'est déjà beaucoup. Je ne vais pas vous partager mes problèmes. Moi, si j'en ai besoin d'argent, rassurez-vous. J'en ai besoin. Mais je n'embête pas les gens. Je pourrais être un escroc. De tous ceux que j'ai consultés, ils ont bien vu. À 100%, ils ont toujours dit oui. Mais les mêmes personnes me disent, mais maître, les marabouts ici à Paris m'ont fait dépenser près de 3 000 euros, 5 000 euros. Je dis, ah bon? Mais en tant que vous, vous m'avez payé ce combien? 220 euros. Mais je vous ai tout dit. Bref, pardonnez-moi. Donc, essayez de travailler sur cet aspect-là quand même. Soutenez votre humble serviteur. Et tout le monde connaît. Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada, peut-être en Europe, je veux voir ça avec notre délégué qui est en France. Si j'ai deux, nous avons trois voix là. Bon, moi, mon problème avec PayPal là, j'ai eu trop de palabres, ce n'est même pas encore résolu, mais il y a Zelle. Il y a des gens qui nous envoient des sous par Zelle. Ça passe très bien. Zelle, c'est-à-dire Z-E-L-E. Z-E-2-L-E. Zelle. C'est rapide. C'est le même jour, on tape seulement le prénom de la personne, terminé, puisque ce compte est lié directement avec la banque. Et deuxième, bon, il y a le RIA. Le MoneyGram, j'ai été puni pendant un an, ou Western puni pendant un an, je ne sais pas. Je vais essayer de le recontacter maintenant en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont confondu à un bandit, à un fraudeur. Bon, le problème était en cours. Les gens m'ont dit non, je n'avais aucun problème. Bref, il y a plusieurs voies et moyens pour envoyer les sous, pour soutenir ce que nous faisons. D'accord? Pour l'année 2022, nous allons faire des efforts pour vous communiquer les liens auxquels vous pouvez envoyer. Zelle, par le prénom Guy, c'est tout. Vous tapez seulement le prénom Guy dans Zelle, et voilà, c'est connu à travers le monde. J'ai reçu, j'étais surpris. En Inde, il y a quelqu'un qui a envoyé un Zelle. Au Canada, plusieurs ont envoyé un Zelle. Ici, aux États-Unis, le Zelle passe très bien. Donc, Zelle, Zelle ou Zelle, c'est Z comme Zorro, E comme Echo, L comme Lima, Lima. Donc, deux Zelle et la lettre E. Vous savez de quoi je parle. C'est un app. Vous pouvez télécharger ça. Bien, donc voilà un peu le bilan que nous avons fait de l'an 2021 et je crois que pour l'an 2022, nous pouvons faire mieux que ça. D'accord? Vous pouvez faire mieux que ça. Vous pouvez faire amener un peu plus d'abonnés et puis éviter d'être égoïste. Je ne viens pas me gousiller. Ça, c'est entre nous là. On est en train de parler puisque je veux vous autoriser de poser des questions. Je ne veux pas venir me gousiller ici jour et nuit. Vous ne savez même pas, j'ai été voir le médecin. Je ne vous ai pas dit que j'ai été voir le médecin trois fois dans l'année. Par manque de sommeil, j'ai eu des troubles, des problèmes de santé à cause de venir trop parler ici. Hein? Bon, je n'ai pas été opéré, ça va mieux. Mais c'est pour vous dire quand même que je mets de mes énergies, de mon temps, et ayant à l'époque deux boulots, pensais que c'est facile. Et là, j'ai repris, je me suis réinscrit à l'université à partir du 22 janvier. Je reprends l'école encore, à mi-temps. Donc, ce n'est pas facile, mais malgré ça, je viens. Merci beaucoup. Bien, maintenant, nous allons passer aux variants. On a fait le bilan. Hein? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Hein? Est-ce que le bilan était vraiment positif ou bien c'était négatif? C'est à vous de voir la suite. Bon, maintenant, pour ce qui va concerner l'argent, ça, c'est une affaire interne. Nous allons parler dans nos forums là-bas, dans nos groupes. Parce que vous savez qu'au niveau de la France a ouvert une liste, OK? C'est la liste, bon, pardonnez-moi, bilan également sur les séminaires à l'an 2021, zéro. Il était prévu un séminaire pour me rendre en France, mais à cause du COVID, ça a été renvoyé. Indépendamment de la volonté des mecs, les gars là-bas, ils étaient prêts. Donc, là, il y a une liste qui est en train de se faire. Bravo, j'essaie de regarder. Alors là, je suis très étonné et merci beaucoup à Maman Félicité parce qu'elle m'a surpris. C'est elle qui a lancé l'initiative et c'est la première fois dans l'histoire parce que même en 2020, quand j'étais en France, je n'avais pas vraiment vu cet engouement que je vois. Là, je vais vous prendre la liste de ceux qui sont au Maroc. Mais quand on parle du Maroc, en fait, la majorité, puisque ce sont eux qui ont décidé d'ouvrir le compte, je voulais parler de ce groupe Maroc-là. La majorité, c'est des étudiants, c'est des travailleurs qui vivent au Maroc, mais il y a quand même une minorité qui commence à rentrer là-bas. Pourquoi? Parce que les deux autres forums WhatsApp sont déjà pleins, ce qui fait que ils sont obligés donc d'aller là-bas. Et je vous y encourage. Mais le règlement reste le même, s'il vous plaît. Parce que je constate qu'il y a des gens qui postent des histoires non conformes. Au niveau de. Voilà, là je vois par exemple au niveau d'ici, au niveau des Oka Baobab, il y a 9 inscrits. Il y a déjà 9 inscrits. Bien, allons-y donc dans Baobab Telegram. Baobab Telegram. Au niveau du Baobab Telegram, je vois, il y a 22. D'accord? Ça, c'est Baobab Telegram, 22. et vous ajoutez les 9 là-bas. Parce que si j'ai bien vérifié, les noms sont différents. D'accord? Maintenant, nous allons voir dans Oka sous le Baobab, où il y a les gens de l'Europe, les gens de l'Afrique. Là, on est à 22. Et les noms sont différents. Ce n'est pas les mêmes personnes. Ça veut dire que présentement, quand je regarde la liste, on approche 60. Bravo encore, félicité. Vraiment, bravo. Elle a pris cette initiative sans moi. Imaginez-vous que sur les 60 personnes, là, parce que nous allons faire les réunions qui vont commencer là, dès début janvier, donc d'ici la semaine prochaine, je vais discuter avec elle, on va arrêter les dates. Ce sera généralement le fait le samedi ou dimanche. D'accord? Nous allons tous nous retrouver et on va mettre sur la table maintenant les projets de voyage pour l'an 2022. D'accord? Il faut assister, s'il vous plaît. Donc là, c'est déjà quelque chose d'intéressant parce que elle-même, elle me suit en ce moment. En 2019, lorsqu'on avait lancé cette affaire-là, je vous jure que la liste n'arrivait même pas à 20. Ah oui, oui, oui. On n'arrivait même pas à 20. On se posait des questions. Jusqu'en 2020, on se retrouve à une trentaine, quarantaine. Après, les gens n'assistaient plus aux réunions. Bon, on arrive en France. Maintenant, l'engouement, c'était la dernière minute. Oh, mais maître, mais comment? Oh, mais, les gens m'appellent, mais on va envoyer l'argent. Je dis, mais mon Dieu, on vous a parlé pendant un an, c'est maintenant la dernière minute que vous voulez envoyer l'argent. Bref. Donc ça, c'est très important que vous sachiez que nous allons nous retrouver. Maintenant, nous allons parler un peu des variants. Bon, qu'est-ce que c'est un variant? Vous savez ce que c'est le variant. Le mot variant est venu dans la plupart des oreilles des Africains. C'est depuis que le corona l'a frappé, non? Vous vous rappelez? C'est depuis que le corona a frappé qu'on a entendu parler du mot variant. Bien, c'est ainsi que dans le dictionnaire, moi je n'ai pas la définition en français, pardonnez-moi, en anglais on dit « It's a form of a version of something that differs in some respect from other forms of the same thing or from a standard way. It's a clinically distinct, clinically we have to to distinguish variants, different variants, for instance, of a malaria. We have different variants of all kinds of viruses. We have different variants such as what's going on with the COVID-19. D'accord? Donc, la définition que le dictionnaire américain ici nous dit, le variant est une forme et version de quelque chose qui diffère ou qui semble différent d'une autre forme, mais de la même chose. Ayant les mêmes standards. Est-ce que vous vous retrouvez? Donc, un variant est une version de quelque chose qui diffère par d'autres formes, mais d'une même chose et du même standard. Le COVID. Il s'agit du COVID. Le COVID, on nous a dit au départ, il y avait un nom, un variant. Je ne sais pas si ça s'appelait Alpha ou quoi. Après, on a dit non. C'est maintenant Delta. Et non, là, maintenant, c'est Omicron. Mais en dehors d'Omicron, on va nous parler d'un autre variant qui se prépare. Mais c'est des différentes formes de variants qui résultent simplement d'un certain dysfonctionnement qui résulte aussi de la division de la cellule. Parce qu'un variant, c'est aussi une erreur qui résulte de la division de la cellule. Quand la cellule se divise, ça crée un variant. Et à partir de cette division de la cellule, le variant peut prendre diverses formes. Ça peut prendre une forme alpha, tout comme ça peut prendre la forme delta. D'accord? Bon, maintenant pour le variant, là, pour le COVID qu'ils ont inventé, là, pardonnez-moi, parce que cette affaire-là, ça prend diverses formes, comme le disent même les Américains dans leur définition. Que le variant, une forme, or une version de quelque chose qui diffère par son aspect de quelque chose d'une autre forme, donc une forme d'une version qui diffère d'une autre forme, mais de la même chose au même standard. Donc, je vous donne l'exemple de la cellule, d'accord? Parce que c'est la même cellule, mais qui s'est divisée. Là, c'est un problème. Le fait que la cellule s'est divisée, eh bien, C'est une erreur. Donc, les variants, il y a plusieurs formes du point de vue scientifique. Il y a, par exemple, au cas du palu, le palu a des multitudes de variants. Ah oui, le même palu que nous connaissons a des multitudes de variants. Ce qui explique sa mutation. Ce qui explique sûrement son expansion et sa survie. La même chose avec le fameux COVID-19 là. C'est un virus multiforme. C'est un virus à mutation multiple. Et à cause de cette multitude de mutations, eh bien, cela peut occasionner des variants. Et le variant prend la forme du moment par rapport aussi à l'état climatique. Et parfois, à l'état émotionnel de l'individu, eh bien, le variant peut prendre une autre forme. Tout comme le variant peut fuir cet individu à cause de son système immunitaire. Oh, tétamouanga, tatanzambe, laissez-moi parler de ça, mon Dieu. S'il y a des médecins ici, ils doivent me prendre le fou. Mais j'ai étudié la médecine, je fais santé. Dans votre corps, je prends l'exemple du palu que nous connaissons tous. Le palu, s'il y a une résistance du palu qui a toujours tendance à vouloir attaquer les anticorps d'un individu, mais ces anticorps également, comme le mot le dit, ces anticorps ont des résistances. Mais c'est à cause de ces résistances que finalement le virus paludique va avoir plusieurs formes de variants. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir se muter, c'est de pouvoir se loger quelque part. Est-ce que je vous amène trop loin? Donc, voilà un peu, je peux vous amener dans la complexité scientifique à propos des variants. Retenez tout simplement qu'un variant est une forme de variant. Donc, un virus qui va prendre une forme, mais deviendra une autre forme, mais il change de forme. En réalité, dans le changement de la forme, l'objectif, c'est de rester, de pouvoir attaquer la même chose. Mais sauf que, à cause de l'évolution scientifique, eh bien, on attaque ici, par exemple, Delta, on a pu bloquer Delta. Mais après, maintenant, les vaccins sont arrivés. Maintenant, là, les gens ont dit non, avec Delta, c'est bon, on a pris 2 doses. Mais après les 2 doses de vaccins qu'on a pris, mais boum, Omicron arrive. Oh, yo, comme Omicron est maintenant là, je crois que les deux doses là ne suffisent pas. Il nous faut un booster. Donc, il nous faut quelque chose qui va venir maintenant donner tout le pouvoir aux deux vaccins. Bon. Mais malheureusement, on a constaté ici, et je vous informe que l'état où je suis, l'état de l'Ohio, vérifiez ça, c'est l'état le plus atteint au monde. Non seulement au niveau des États-Unis, nous sommes en croix rouge. Vérifiez ça sur vos Google, vos téléphones. Vérifiez-moi ça tout de suite, s'il vous plaît. Alors, je vous parle, certains d'entre nous ont été demandés de rester à la maison pour ceux qui ont refusé de prendre le vaccin comme nous autres. Donc, la situation est grave. Pourquoi? Mais parce que, et pourtant les gens, les gens qui ont été hospitalisés là, bien qu'ils ne disent que non, ceux qui ont reçu les 2 vaccins, ils ne vont pas mourir, ils peuvent tomber malades, ils peuvent le COVID peut toujours se manifester, mais ils ne vont pas mourir. Mais par contre, la personne qui n'a pas pris le vaccin va mourir. Mais je vous informe que cette théorie n'est pas forcément vraie. Parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas fait vacciner, mais qui ont résisté. Et qui se sont rétablis en prenant des traitements tropicaux. D'accord? Bon, maintenant, le cas de l'Ohio, je vous dis, nous sommes l'état le plus atteint. Maintenant, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Omicron est arrivé. Maintenant, ils ont dit que pour tacler les attaques cellulaires, les attaques d'Omicron, il nous faut ce qu'on appelle du boosting. Il faut des boosters. Le booster veut dire, en d'autres termes, 3e vaccin. En fait, il faut être honnête, mais c'est parce qu'on ne dit pas la vérité. Maintenant, ce 3e vaccin qui est un booster va faire quoi? Va permettre de lutter contre Omicron. Mais on se rend compte que malgré ce boosting, il y a une révolution. Mais la preuve, l'état de l'Ohio, où je suis, c'est l'état le plus atteint en ce moment. Donc les scientifiques en ce moment se grattent les têtes, le président est embrouillé, il ne peut même plus bien passer sa bonne année avec la famille. Il ne sait plus ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose, c'est que le virus, la maladie, le COVID, le corona, est finalement un virus à multiples variants. Mais des variants parfois indétectables, détectables au début, mais change de forme. Delta a changé de forme. Est devenu Omicron. Mais Omicron a changé de forme. On m'a donné le nom là, mais je l'ai oublié. Mais, et ça va continuer comme ça. Mais il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Les scientifiques doivent trouver la solution, vous. Vous comprenez? Mais là, je ne vous parle d'abord scientifiquement. Il faudrait que les scientifiques, ils savent ce qu'ils ont créé. Parce que comme je vous l'ai dit, qu'un variant a plusieurs, avec plusieurs mutations peut aussi être une erreur qui résulte de quoi? Qui résulte tout simplement la division de la cellule. Et si on s'amuse avec les cellules de l'être humain n'importe comment, les manipuler n'importe comment, le vaccin est un dernier recours. Le vaccin est un recours efficient, diront certains, efficace dans d'autres termes, pour pouvoir mobiliser et pour permettre une cohabitation naturelle du virus dans votre système, afin que ce virus-là soit incapable de muter ou de se manifester. Mais il reste en vous. Mais c'est ça le rôle du vaccin, non? Ceux qui ont pris le vaccin de la polio, c'est pour éviter quoi? Pour éviter que tu deviennes infirme, non? Même si tu dois prendre ton lait et garder la vitamine D et tout ça. C'est ça le rôle du vaccin. Donc, le vaccin, son rôle est là pour pouvoir mobiliser le virus, pour que le virus, là, vous l'avez dans le corps, non? Mais c'est pour éviter qu'il fasse des mutations dangereuses pour vous amener à la maladie. Vous pouvez faire la maladie, vous n'allez pas mourir. Le palu, j'ai appris qu'il y a un Brésilien qui avait trouvé le vaccin. Où est-ce que nous en sommes? 0-0, parce qu'il est du tiers dans le monde. En Afrique, là, on a trouvé les médicaments, non? Même la drépanocytose, on a trouvé. Mais tant que l'homme continue à faire des manipulations contre la nature, manipule des éléments de la nature, juste pour son égoïsme, juste pour se faire de l'argent. Oh, pardon, je ne vais pas vous amener là-bas. Maintenant, vous avez compris ce que c'est un variant. Maintenant, pourquoi je parle du variant spirituel pour l'an 2022? L'an 2022, ce que j'ai constaté en 2021, beaucoup d'entre vous, vous aviez trop de variants spirituels. Qu'est-ce que c'est le variant spirituel? Le variant spirituel, c'est un être humain, un individu qui, dans son état spirituel, a créé certains attachements. Et ces attachements lui ont donné certaines dépendances et a tenté de sortir de ces dépendances-là. La dépendance en question, ça peut être quoi? Je vais vous aider. Je parlerai par exemple du variant de dépensier. Qu'est-ce que j'appelle un variant spirituel? En fait, si vous voulez, un variant spirituel, c'est comme un défaut, mais que vous voulez améliorer, mais ce défaut va attirer d'autres défauts, mais vous restez le même. Vous étiez gourmand. C'est un variant spirituel. Mais de cette gourmandise, on vous dit non, mais ce n'est pas bon, mon frère. Tu déranges les gens et tu es un père de famille. Comment tu vas être gourmand à ce point-là? Essaie de t'améliorer parce que ça commence à devenir un problème sociétal. Bon, de la gourmandise, vous dites, bon, moi, je vais remplacer ça par autre chose. Ça va, je me suis débarrassé de la gourmandise. Mais on constate que le variant de la gourmandise, là, a probablement disparu. Mais en fait, c'est la forme du variant qui change parce que vous êtes le même. Vous êtes le même tant que votre âme, tant que votre divinité n'a pas été éveillée, tant que votre divinité n'a pas pris conscience de détruire ce virus-là, de détruire plutôt ce variant. Mais comme le variant prend plusieurs formes, vous pouvez le détruire ici, mais si vous ne mettez pas ce qu'on appelle une armure complète autour de vous, une armure complète veut dire une protection totale, qui, quelle que soit la variation des variants, autant pour moi, quelle que soit la mutation des variants, autant pour moi, d'un variant qui va mourir, on le tue, mais après, il se transforme en grenouille. Oh yo, il a tué grenouille, mais il devient maintenant un rat. Donc, pour éviter tout cela, il faut une armure complète. Mais avant d'en arriver à l'armure complète, identifions d'abord les variants. Donc, les variants, retenez cela pour l'an 2022. Ce sont les défauts que vous aviez en 2021. Les défauts de l'égoïsme, les défauts de l'adultère, les défauts de mensonge, les défauts de la tromperie, de l'escroquerie, de détournement de deniers publics. Ça sont des variants. Parce que vous êtes au ministère, vous avez la responsabilité, vous êtes directeur du cabinet du ministre des Finances. Vous voyez les budgets qui sont votés. Vous faites partie de ces mecs-là. D'accord? Là, le budget est voté. Il est voté en fonction de la demande. Il est voté en fonction des besoins. Par exemple, prenons le cas du ministère de l'Habitat. Le ministère de l'Habitat a un cahier de charges lequel a été déposé par le peuple, déposé par les représentants du peuple. Les représentants du peuple de chaque district, de chaque département, ils ont des cahiers de doléances. Que ben voilà, moi, je suis député du premier arrondissement à Libreville. Et le premier arrondissement, il n'y a pas de lotissement conséquent. Il n'y a pas de chasse d'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un système de caniveaux assez efficient. C'est que quand il pleut, les éboulements, les eaux, se stagnent parce qu'il n'y a pas de conduits d'eau. Voilà mon problème. Alors, c'est déposé au bureau du Premier ministre. Parce que c'est ça, la représentation du peuple. Les députés représentent le peuple. D'accord ? Indépendamment des ministres eux-mêmes qui sont conscients des besoins. Dans les véritables pays, il y a des révolutions, il y a des forces, comme je vous avais dit la dernière fois. Il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Le rapport de force, c'est qui ? C'est les mouvements de COVID, de copiles, les mouvements d'humains, par exemple, les grèves et tout ça, les activistes qui viennent prêcher, parler, insulter, chacun a son style. Mais c'est autant d'éléments qui contribuent à ce qu'on appelle le rapport de force. Mais c'est ce rapport de force, justement, qui doit amener un appel de conscience. Ça, c'est dans le cadre des gouvernements, hein, pardonnez-moi d'aller là-bas. Mais justement, parlant des variants, le variant commence comment ? Mais vous êtes responsable, vous êtes ministre, par exemple, de l'habitat. Les populations ont besoin, par exemple, on parle de la zone d'Akanda, on a besoin de 10 000 logements. À Port-Gentil, on a besoin de 55 000 logements. Pourquoi ? Mais parce que c'est la capitale économique, et non seulement cela, la main-d'œuvre la plus puissante est là-bas, les activités pétrolières rapportent beaucoup de millions d'argent. C'est ça le budget national qui gonfle en réalité. C'est près de 78% du budget national vient du pétrole. Donc, il serait tout à fait logique qu'on construise 55 000 logements. Est-ce que c'est possible? Oui. Les appels d'offres, les mairies travaillent d'abord localement, mais les mairies, puisque moi-même je suis un ancien conseiller municipal et ancien maire adjoint, nous faisons ce qu'on appelle au cours des conseils ordinaires. Et ensuite, parfois, ça peut devenir un conseil extraordinaire. Le conseil extraordinaire veut dire que c'est une urgence. C'est une urgence, c'est un problème qui est sur la table depuis des années. On en a marre. On veut que les populations ont les 55 000 logements, sinon les gens vont être carboignés. Bon, les 55 logements, on va d'abord viser les gens qui ont les moyens nécessaires. La femme qui travaille au marché, qui vend sa carpe, qui vend son poisson, qui vend sa banane, elle peut être propriétaire d'une maison. Donc, ça veut dire les logements socio-économiques, à partir de 2-3 chambres, mettons des prix raisonnables. Au niveau de la mairie, ce que nous faisions, c'est quoi ? L'appel d'offres est lancé. Mais quand l'appel d'offres est lancé, nous, les conseils municipaux, on se retrouve, quelle que soit l'obédience politique, eh bien, nous allons donc passer au vote et nous allons voir sur les appels d'offres quelle est l'entreprise qui offre le prix abordable. Mais on ne doit pas seulement regarder le prix parce que, par exemple, l'entreprise de M. Arambouë, Monsieur Arambouë est une entreprise qui a de l'expérience. Monsieur Arambouë a conçu les maisons de la SNI, la Société Nationale Immobilière. Vous voyez les belles villas là, de 4-5 chambres. C'est Monsieur Arambouë. Et il y a une qualité. Ces maisons sont de bonne qualité. Vous avez vu les WC, vous avez vu que les chasses d'eau, vous avez vu les caniveaux, vous avez vu. Ok, Monsieur Arambouë, il propose combien? Non, lui dit pour lui donner le marché. Il veut demander 75 milliards. OK. Bon, l'établissement Bitar. Oh, Bitar, lui, demande 120 milliards. Ah, Bitar, oui. Mais est-ce qu'il a l'expérience? Oui, mais ce n'est pas vraiment ça. Mais comme Bitar a des acquaintances avec un parti peut-être qui est majoritaire, ils vont faire la pression et ils vont voter pour donner le marché à Bitar. Mais est-ce que Bitar est réellement le meilleur? Non, pas nécessairement. Bitar peut être le meilleur. Monsieur Arambouë, parce qu'il offre un prix bas, est-ce que ça veut dire qu'il est forcément le meilleur? Il peut offrir un prix bas, mais faire un travail bâclé. Donc, c'est comme cela, nous, les conseillers, nous passons donc, un, nous avons les appels d'offres qui sont lancés, mais pendant ce temps, quand nous allons recevoir les appels d'offres qui passent par un journal officiel, l'Union, ou je ne sais pas quel journal, pardonnez-moi, je vois les gens, ils commencent à dire, oh, il nous amène à la politique. Non, ce n'est pas la politique. J'ai géré les choses publiques au Gabon, je sais de quoi je parle. Justement, on est dans le même sujet des variants. Le variant va venir comment? Mais monsieur le maire, comme lui, il est dans le parti majoritaire, va décider de donner le marché à son entreprise qu'il a fabriquée de toutes pièces avec son cousin. Mais entre-temps, nous, les conseillers, on est passé au vote. On a dit, bon, on va analyser. Bon, monsieur Bitar, apparemment, il en a un bon prix, mais nous allons faire ce qu'on appelle des investigations. Donc, au niveau même de la mairie, il y a un département d'inspection générale qui va faire l'inspection, va mener des enquêtes, n'est-ce pas, auprès des agents économiques. Les agents économiques sont des personnes dont, qui ont sûrement eu à recevoir des services auprès de l'entreprise X ou Y que nous voulons voter. Donc, on va aller auprès de ces gens et ces gens vont nous faire des témoignages. Et bien voilà, voilà, voilà. On va amener des gens qui sont des experts en la matière. Et puis on dira, OK, on vient auprès de M. le maire, qui est le président du conseil. M. le maire est le président du conseil, on va lui dire, M. le maire, voilà. De ce qui ressort, c'est M. Mandjango, son entreprise, qui a gagné le fonds. Bon, c'est vrai que lui, il offre 93 milliards. M. Bitar offre 118. Mais M. Agali Kewa, lui, il offre 67 milliards. Mais nous avons choisi M. Mandjango. Parce que M. Mandjango, des 10 dernières années, il a investi là-bas en Djolé, il a investi à Lambaréné, et ces maisons-là, on les voit. Maintenant, M. le maire, pour se comporter en variant, lui, il refuse. Ça arrive, hein, ce que je vous dis là. Moi-même, j'ai siégé au collège, au conseil municipal. Le maire va s'entendre avec les siens, qui sont majoritaires. Et puis, entre-temps, les entreprises nous contactent. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai reçu les commissions. Ce n'est pas un péché, même ici aux États-Unis, ça se fait. Donc, les entreprises font des campagnes. Après avoir lancé les appels d'offres, il y a des entreprises. Chaque entreprise bat, il dit, moi, sur les 97 milliards à moi, je vais vous donner 100 millions parce que vous êtes 22 conseillers. Donc, chaque conseiller aura droit à 7 millions ou bien à 9 millions, si vous me votez. Bitar viendra, Bitar dit, non, moi, je vais vous donner 15 millions à chacun. Donc, même les conseillers municipaux, je vous parle, moi-même, je suis un ancien conseiller municipal. Comprenez? Je sais de quoi je parle et c'est la vérité. L'ancien maire, l'ancien adjoint au maire, autant pour moi. Donc, ainsi, nous rentrons dans la corruption de ce variant. Le variant de quoi? De l'escroquerie, du banditisme et des détournements des deniers publics. Donc, voilà un variant qui est présent dans l'administration générale de la plupart des pays en Afrique. Pas seulement en Afrique, même en Europe. Mais sauf qu'en Europe et ici aux États-Unis, ce sont des variants qui sont très subtils. C'est-à-dire que ce n'est pas facile à détecter. Voilà pourquoi, dans les pays développés, tels que les États-Unis d'Amérique et l'Europe, ils ont créé ce qu'on appelle les cabinets lobbyistes, les lobbies. Mais les lobbies, c'est qui? Mais les lobbies, ce sont des macros, en fait. Ce sont des escrocs. Mais sauf que le mot lobby, quand vous l'écoutez là-bas en Afrique, vous pensez que c'est des gens qui ont des moyens. Mais c'est faux! Ces lobbies sont soutenus par les politiciens corrompus. Pardonnez-moi, mais juste pour vous dire que le maire est déjà atteint du variant de la dépense publique. Le ministre de la Planification également est atteint de ce variant-là. Parce que quand il reçoit le cahier de charge et quand il se présente devant le Parlement va lui dire qu'on a besoin, je vais prendre le cas par exemple, le ministre des Travaux publics. Le ministre des Travaux publics dépose auprès de la table du Premier ministre. Le Premier ministre sait que nous avons 1000 kilomètres à faire. Bon, quels sont les défis? Il est sur les 1000 kilomètres. Nous avons 150 entreprises de travaux publics. Mais des 150 entreprises de travaux publics, qui sera capable? Avons-nous le témoignage? Et ça, je peux vous dire, moi j'ai vu la société qu'on appelle Autopout, qui, jusqu'à aujourd'hui, les routes d'Autopout, c'est celles que vous voyez à Port-Gentil, c'est celles que vous voyez à Tchibanga et à la plupart des villes. Autopout, qui existe toujours, hein, pour ceux qui ne le savent pas, a été l'une des entreprises les plus puissantes en termes de travaux publics et de routes. Mais on les a balancées, on les a chassées. Bref, le variant va commencer comment? Le ministre des Travaux publics va dire, bon, madame le Premier ministre ou bien monsieur le Premier ministre, voici les besoins, nous avons besoin de construire 1000 km de route. Mais comment son variant va sortir? Le variant va sortir parce qu'il va aller contacter le premier ministre. Je lui dis, écoutez, nous avons 1000 kilomètres, mais nous avons trouvé une entreprise. Laquelle? Bon, mais c'est l'entreprise Bitar. Oh, l'entreprise Bitar, oui. Quelle expérience ils ont? Il faut leur accorder une dernière chance. Maintenant, Bitar, reçoit la pression du ministre de TP, reçoit la pression de Madame le Premier ministre ou bien de Monsieur le Premier ministre. Mais cette pression ne va pas permettre Bitar de faire un travail correct, parce que le bitumage, c'est quoi? Mais il faut rembler le sol. Il faut mener une étude sismique. C'est-à-dire qu'il faut aller lancer des sondes au niveau du sous-sol. Est-ce que si on construit des routes-là, ces routes-là ne vont pas s'écrouler? Mais c'est pour cela que vous voyez des routes s'écrouler dans certains pays d'Afrique. Je parlerai le cas du Gabon. On fait d'abord une campagne sismique. Voyez-vous? Mais où vient le variant? Le variant est sorti du ministre des TP parce que Bitar les a corrompus. Bitar dira, bah, écoutez, puisque vous me faites la pression, moi je veux faire des routes de 15 cm. Mais le ministre des TP, ça part. Le ministre des TP veut 2 milliards. Monsieur le Premier ministre veut 7 milliards. Bon, maintenant là, je vois que de 93 milliards, ça descend à 80. Maintenant, qui encore? Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses. Le PCA, le président du conseil d'administration, qui est un ancien lobby, un ancien homme politique, un ancien ministre, qu'on veut satisfaire au lieu de l'envoyer à la retraite, lui aussi, il viendra prendre sa part. Mais voyez comment nous assistons d'un variant à plusieurs formes de variants, c'est-à-dire variant de corruption, variant de détournement des deniers publics, variant de malhonnêteté. Donc, c'est les variants, c'est autant des différentes tares que nous avons et que nous portons en nous tant que nous ne nous améliorions pas. Maintenant, où est le rapport avec la spiritualité? Mais parce que vous ne pouvez pas évoluer spirituellement si vous ne vous dépersonnalisez pas. La dépersonnalisation, c'est quoi? C'est une alchimie interne. Cette alchimie interne est une prise de conscience individuelle. Nous sommes maintenant en 2022. Voilà pourquoi je vous avais dit, une semaine avant la fin de l'année, je vous avais dit quoi? Que la fin de l'année, donc le 31 décembre jusqu'au 1er janvier dans la nuit, il faut prier. Faites le rite des ancêtres. Vous faites la liste de ce qu'on appelle la liste de des nouvelles résolutions pour 2022. Et ça part du président de la République jusqu'aux manœuvres, aux dernières manœuvres, jusqu'au cuisinier, en passant par la ménagère. Dans les vrais pays, c'est comme ça. Ici, aux États-Unis, les gens le font. Joe Biden, il était à l'église le 31 décembre. Oh, il était. C'est un catholique convaincu. Il était là-bas en train de prier. Oh, tatignabio, mon Dieu, vraiment. Il faut que tu m'aides parce que les Américains, là, ils vont me tuer avec l'affaire des variants. Il est allé prier. Il a mis des résolutions. Mais tant que vous ne mettrez pas des résolutions, l'homme que nous sommes un être multiple. Nous sommes un être qui est prédisposé à l'influence de la mutation de plusieurs variants. Spirituel, bien sûr. C'est-à-dire, l'homme, dans sa nature déjà pécheresse, selon les religieux, parce que l'homme a hérité du premier homme des tares, c'est-à-dire le péché, c'est-à-dire la tendance à l'erreur, la tendance à la paresse, à la tendance à la vie facile. Et c'est ce qui explique pourquoi nous avons des faux marabouts qui s'élèvent. Parce que les marabouts, nos frères de l'Ouest ont compris que l'homme gabonais est trop naïf, il est paresseux, il veut être, son rêve c'est d'avoir la cravate, être au bureau, être nommé. Il y a des gens qui attrapent des céphalées quand ils savent. Je vous dis, hein, d'ici la semaine prochaine, là, il y aura un conseil des ministres. Mais les sacrifices sont en train de se faire. Les gens m'appellent. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui m'appellent. Bon, toi, nous, bien comme toi, tu ne veux pas faire les sacrifices. Mets-nous en contact avec tes gens de l'Inde, là. Mets-nous en contact avec ton ami du Burkina Faso, qui est capable de faire en sorte que je gagne comme un homme. Qui fera en sorte qu'on puisse me donner les marchés, là. Parce que ça fait longtemps, mon entreprise avait déposé un dossier de construction des ponts dans la zone de la Nomba ou bien quoi, là. Je vous dis, c'est la vérité. Donc, les gens cherchent simplement la facilité. Voyez-vous? Donc, prenez conscience que les variants spirituels, ce sont des défauts. Les variants spirituels, c'est d'autres termes, en tant qu'être divin, je vous ai dit que nous sommes des sens spirituels. Notre âme qui est en nous, qui représente Dieu en fait en nous, puisque Dieu insuffla dans les narines de l'homme le souffle de vie, et l'homme devint donc l'âme. Mais l'âme en question, c'est Dieu vivant en nous, en fait. Parce que l'âme, on ne la voit pas. L'âme est esprit. L'âme est spirituelle. L'âme est une divinité. L'âme, c'est elle qui me permet de m'exprimer ici. Donc, c'est en fait Dieu incarné en moi. C'est Dieu exprimé. Et dès lors que vous éveillez votre âme, eh bien, la sagesse et les variants vont commencer à sortir. Les variants vont commencer à se détruire. Ces variants qui ne sont autres que la somme des défauts, la somme des personnalités, ce qu'on appelle ici en anglais des personas. You know what I'm saying? You have what we call the personality, but you have also something else called the personas. The personas means it's the ensemble or the sum of all different personas you have within you. The persona is sort of entities. Only as a human being, you can be influenced by different personas. And those personas are based and copied from the direct and indirect environment. Donc ces personas, ou ces personnalités en fait, se créent à partir de l'influence de ce qu'on appelle l'environnement direct et indirect. Voyez-vous, si vous êtes habitué à être à côté du directeur de cabinet au ministère de TP ou au ministère des Finances, qui est toujours en train de recevoir des enveloppes, qui est toujours en train de faire des monkey business, les affaires du singe. Mais vous, vous pensez que vous allez supporter ce virus-là? Vous êtes un père de famille. Vous ne vous comportez pas en exemple dans la maison. Quelle leçon allez-vous donner à vos enfants? Je suis un 1er janvier, mais mon enfant sera gêné s'il arrive à la maison, qu'il trouve que papa est à la maison, les parents sont à la maison, et lui, il est là-bas, debout, alors que nous sommes le 1er janvier. Donc, you have to lead by the example. You have to lead by the model. You have to be the real model. You know what I'm saying? To lead, you gotta set. You gotta set. You have to set up some positive steps which can also influence the rest of the family. You can influence the rest of the society. You can influence also the folks who work with you. Et c'est ça, malheureusement. Donc, les variants spirituels, pour ne pas être trop logique, c'est la somme, justement, de tous ces défauts innés. Et quand je parle de défauts innés, veut dire que nous sommes nés avec des prédispositions, soit aller faire le mal ou aller faire le bien. Ça veut dire que Dieu, quand il crée l'homme, il donna le pouvoir. Et je le répète tous les jours et je ne me fatiguerai jamais. Il vous a donné donc cette autorité d'être le pilier de l'équilibre du bien et du mal. Il donna le libre choix à l'homme de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Mais la variante dans tout cela, c'est que les variants interviennent pour pouvoir vous amener à toujours s'incliner vers ce qui est mauvais. Le mauvais, c'est quoi? Bon, ça part de la base. Moi, mes enfants ne peuvent pas aujourd'hui me blâmer s'ils ne deviennent pas des bons travailleurs. Je suis très heureux, mon premier fils. Nous, on a discuté, bon, c'est notre vie privée, mais je suis très content. Je n'ai pas dépensé les sous pour rien, pour lui payer l'école. En ce moment, il fait un boulot qu'il aime. Il m'a envoyé des images de tout ce qu'il réalise. Je suis très content. Donc, au moins là, je suis honoré. C'est ce qu'on appelle honorer vos parents. D'accord? Ce qui fait que si je meurs aujourd'hui et que je pars dans le monde au-delà, quand il va tenter d'entrer en contact avec moi, mais je serai heureux de l'aider, de l'inspirer, parce que je serai dans un monde de mille et une possibilités. D'accord? Mon père, aujourd'hui, il est toujours à mes côtés. Pourquoi? Mais parce que je l'ai honoré de son vivant. Ma mère, mais c'est parce que je l'ai honoré. C'est pour cela, ces mecs-là, ils ne peuvent être qu'à mes côtés. Donc, les variants qui prennent d'une forme à une autre, c'est quoi? C'est que vous étiez d'abord, pour l'année 2021, si vous étiez quelqu'un qui était de très paresseux, bon, ne donnez pas une excuse, bon voilà, j'abandonne la paresse, maintenant je travaille. Et quand vous allez travailler, vous allez abandonner le variant de la paresse au variant de la facilité maintenant. Bon, maintenant que j'ai le travail, je ne suis plus paresseux, mais je vais chercher la facilité. Bon, écoutez, notre ministère a eu un contrat avec vous. Bon, mon frère, est-ce que vous ne pouvez pas me donner? Vous ne pouvez pas appuyer 10% là, me donner. Vous voyez? Là, vous changez. Le variant a pris une autre forme. Il est parti du variant paresseux à un variant finalement de macro. Est-ce que vous êtes une femme, un homme qui a multiples facettes négatives? Retenez cela. Tout homme est prédisposé. Tout homme qui naît est né avec mille et une facettes. C'est pour cela que dans un enseignement, j'avais dit que moi en tant qu'homme, nous en tant qu'homme, nous sommes mille à la fois. Et dans les arts martiaux, c'est ce qu'on nous dit. Mille et une techniques lorsqu'on fait le kata. Mais une seule suffit pour terrasser l'adversaire. Maintenant, vous pouvez avoir des mille et un variants, mais quelle est la force de frappe que vous aurez pour détruire tous ces variants en un seul coup? C'est votre force divine. Parce que quand vous évoluez, nul ne vous exige d'être parfait. Mais vous évoluez avec les deux forces, la force positive et négative. Mais c'est tout simplement vous, par la maîtrise totale de ces deux forces-là, que vous pouvez vous en débarrasser de quoi que ce soit. S'il y a un individu ou un band de voyous qui veut vous faire du mal, mais vous lui rendez ce mal-là parce que vous n'êtes pas un lâche. Voyez-vous? Vous avez détruit un variant qui voulait vous faire du mal, mais en fait, vous avez un variant positif qui est en vous. Ce variant positif consiste pour vous de rendre le mal par le mal, parce que c'est une loi universelle. On ne rend le mal que pour votre propre bien ou pour le bien de la communauté. Donc, quelqu'un qui a voulu vous faire du mal, il a voulu pénétrer, voler dans votre maison. C'est pour ça que moi, j'aime les lois américaines. Pardonnez-moi, j'ai toujours le réflexe de sortir les armes. J'oublie que je suis en plein live. Voilà. Donc, un mec qui va pouvoir s'infiltrer, mais je sors mon arme. C'est la loi qui l'autorise ici. Il va casser la porte, même s'il n'est pas armé, mais il vient faire quoi? Soit il vient voler, il vient détruire, il vient tout prendre, comme disent les biblistes. Quand le voleur rentre chez vous, c'est pour venir piller, voler, prendre tout, et même vous tuer. On a vu des cas à Libreville, moi j'ai vu des gens. Des voleurs qu'on a attrapés avec le couteau. Mais s'il n'avait pas la possibilité de voler, mais il était capable de vous tuer si vous êtes fort. Et il se renseigne que ça c'est la maison de Maître Wapacha, ça c'est la maison de Maître Noubi. Bon, mais ce mec-là, il est dans le karaté, donc je dois faire attention. Peut-être qu'il a des gardes du corps, mais les gardes du corps sont armés. Comment on fait? Donc, il prépare le plan par conséquent. Donc, le variant extérieur qui vient attaquer le variant qui dort en vous, et il faudrait vous y attendre à faire réveiller votre variant. Donc, il n'est pas interdit, spirituellement parlant, d'avoir des variants positifs. Il y a les variants négatifs. Hein? Nous voyons le cas des vaccins. Bon, c'est pour cela qu'ils ont créé le vaccin. Le vaccin va permettre la stabilité ou la stabilisation du COVID en vous. Mais il est déjà en vous, il a été provoqué, il a été travaillé, il a été créé. Maintenant, quels que soient les variants qui viennent, le premier variant Delta, comme je l'ai dit au début, il a été maîtrisé par les premiers deux vaccins. On a dit non, le premier vaccin, boum, oh ya yo, Delta résiste. Bon, ajoutez une deuxième dose. Ils ajoutent la deuxième dose de vaccin. Delta a été maîtrisé, mais comme finalement COVID se rend compte quand même, c'est pas possible. Oh, Delta l'a même résisté avec moi. Oh, tatignambi, je vais sortir de ma poche au micro. Donc, Omicron devient le variant puissant qui sort. Et puis, finalement, pour maîtriser Omicron, oh tiens, oh, les gens qui sont derrière le projet de COVID disent non, non, non, non, non, il nous faut créer quelque chose. On va appeler ça le boosting. Ils créent le booster. Et ce booster, c'est un boosting, c'est-à-dire, c'est une forme de troisième vaccin, je vous le dis. Demain, vous me donnerez raison. C'est une forme de troisième vaccin qui va venir maintenant pour pouvoir tacler la troisième forme de variant. Et il y aura un quatrième, il y aura un cinquième, et ainsi de suite. Maintenant, le vaccin va continuer à avoir des améliorations dans sa technicité et dans son efficacité. Je répète, le vaccin va toujours avoir des améliorations dans son efficacité et sa technicité en vue de d'éliminer totalement le COVID, mais en acceptant la cohabitation de ces anticorps avec ces variants. Les variants ne vont pas mourir, les variants vont être là, mais sauf que vous ne ferez plus la maladie. Voilà pourquoi ils ont dit que quand vous prenez le vaccin va permettre donc une maîtrise de ces variants, que les attaques de vos cellules ne vont plus être effectives. Pourquoi? Parce que vous avez les variants. Ces variants, vous les avez pris à cause des vaccins. Parce que ce sont des anticorps qu'on vous injecte afin de cohabiter tranquillement avec les variants ou avec le virus. Enfin, c'est ce que la science dit, ce n'est pas le mensonge. Donc maintenant, vous, en tant qu'homme spirituel, femme spirituelle, pour l'an 2022, pour le progrès, je vous ai dit, premièrement, il faut vous dépersonnaliser. Mais dans cette dépersonnalisation, rassurez-vous que vous ne détruisez pas les variants positifs qui sont en vous. Sinon, vous serez lâche. Oui, vous n'allez pas être trop bon. Trop bon, c'est trop couillon. Et je vous ai fait mon témoignage sur ma page Facebook, mais le monsieur est en train de payer les pots cassés. Je crois que d'ici là, dans deux semaines, ils vont le mettre au nouf, parce que nous aurons des auditions. Hein, pour le mec qui a voulu ne pas voulu payer mes impôts, alors que celui qui était chargé de s'en occuper. Alors, voilà comment, donc, vous avancez, vous vous dépersonnalisez, et dans cette dépersonnalisation, vous rentrez finalement dans la véritable personnalité divine créée à l'image de Dieu, et que vous êtes devenu ce Dieu-là que vous allez chercher à gauche et à droite. Et deuxième élément, ben vous devez vous désindividualiser. Parce que la désindividualisation, c'est quoi? Vous créez certaines individualités à partir des acquaintances que vous créez avec les gens. Vous êtes trop gentil, trop bon. Mais les parents, savez-vous que ce n'est pas tous les parents qui sont bons? Il faut m'écouper ça en 2022. Vous avez été trop bon. Ce que la main droite reçoit, ressort à la main gauche. L'enseignement est ici. Ça veut dire quoi? Vous étiez trop gentil à dépenser de l'argent envoyé aux parents et à la fin des fins, c'est avec cet argent qu'ils ont travaillé sur vous. Là, je fais allusion au frère qui m'a écrit et dont je vous ai fait le témoignage. Qui ne sait pas? Il a sa femme et pourtant à l'étranger. Lui-même, il est là-bas. Mais nos mamans aussi sont trop sensibles. Mais toi, chez mon mari, ah, il faut envoyer l'argent. Oh, il y a un oncle qui crie. Oh, il y a le grand-père qui crie. Mais qui ne vous dit pas que ils font ça, c'est pour vous calboigner, parce que, par exemple, au cas du Gabon, le pays est par terre. Donc, ils sont jaloux du fait de voir que nous, là, nous sommes qui sommes à l'étranger, même si on n'a pas les milliards, mais on mène quand même une vie normale. On n'aura pas à stresser. Moi, quand je vais me réveiller, là, j'ai déjà préparé, là, on a déjà préparé, on va manger. Si je vais boire mon litre de vin, je vais boire mon litre de vin. Mais au Gabon, les jours au lendemain, ce n'est pas assuré. Les salaires des fonctionnaires, ce n'est pas vraiment assuré. Le privé, ben, les entreprises ont fermé et carboigné. J'ai des neveux qui sont obligés de travailler dans les entreprises, qu'on appelle ça des prestations de services. Mais ces prestations de services, on se rend compte qu'au-dessus de ça, ce sont des hommes politiques, des hommes des régimes qui entretiennent, qui créent ces histoires-là et mettent leurs parents. Et maintenant, ils escroquent l'argent des employés. Vous vous rendez compte? Donc, vous êtes là, on doit vous placer, aller travailler à Sala, mais l'entreprise en question, qui est une prestation de services, qui prête des services à l'entreprise à Sala, demande encore aux employés, bah, écoute, ta prochaine montée sur Rabi va être compliquée, mon fils. Oh, pourquoi? Ah, vraiment, là, c'est compliqué. Hein? Mais vous savez ce qu'il faut faire. Hein? Oh, il faut faire quoi, mon frère? Oh, mais ne me demande pas. Tu n'as même pas une petite enveloppe? Je veux être clair avec toi. Si tu veux garder ton boulot, mon petit, il faudrait que tu donnes une enveloppe. Hein? Mais c'est combien? Oh, mais toi aussi, mais il faut au moins 100 000, mon petit. Voilà, ça se passe et ça me vient ici, aux oreilles, où je suis ici. Vous donnez donc le mec 100 000, celui qui va miser 200 000, il a l'assurance que pendant deux rotations, il va toujours travailler. Ouais. Ça sont des variants qui existent. Et ce sont ces variants de la société que nous devons détruire. Vous vous rendez compte? Et malheureusement, c'est ça. Donc mon message, qu'il ne soit pas mal perçu, mon message, c'est une manière de vous encourager à vous en débarrasser de ces individualités. C'est les individualités, c'est quoi? Ce sont les individus que vous fabriquez. Alors, t'es à moi, gars. Vous fabriquez ces individus comment? À partir des acquaintances que vous créez. Le mec promet du boulot, il veut vous trouver le boulot. Maintenant, oui, il vous dit non, il faut donner l'argent. Vous lui dites, bah, écoutez, monsieur, moi je ne sais pas. Je ne suis pas obligé de le faire. Hein. Bon, comme il en est ainsi, tant mieux. Vous tournez le dos, vous ne serez pas malheureux. J'ai un petit ici, là, je ne vais pas vous donner son nom. Et moi, je l'avais prévu, je l'avais prévenu. Il me dit, oh papa, vraiment, c'est terrible. Hein. Les gens là, ils me disent, non, on ne va pas vous monter, on aura une réunion. Oh, mais vraiment, il se retrouve à la réunion, dit non, ce n'est pas évident que vous allez repartir. Mais entre-temps, il a fallu que mon petit, mon neveu, prenne le téléphone. Allô? Oui, c'est Yves. Hein? Bon, grand, j'ai compris. Est-ce qu'on peut se retrouver là, au bar, tarot bar là? Donc, tu as compris le message, mon petit. Oui, j'ai compris, papa. On se retrouve. OK. Bon, écoute, tu me trouves à Tarobar à 20h, d'accord? Tu auras tous les éléments avec toi? Oui. Il aurait fallu que mon neveu fasse ça. Mon neveu a dit, niet, je ne suis pas dedans. J'ai dit, reste tranquille, va me faire le rite de nos ancêtres. Il a fait le rite des ancêtres, même pas une semaine. C'est une autre entreprise qui l'appelle. Dit, bon, écoutez, nous avons besoin de vos services. Il faut qu'on vous envoie quelque part. Mais la même entreprise, entre-temps, qui lui avait remercié, dire que non, pour le moment, on n'est pas très sûr si on va vous envoyer. Lui a envoyé aussi la note pour lui dire, bah, écoute, on garde le contact, on aura certainement besoin de vous. Donc, à un moment donné, il faut savoir garder votre personnalité. Il faut savoir garder votre esprit, votre âme haute, votre tête haute. Donc, garder la tête haute veut dire quoi? C'est faire face à ces variants négatifs. Et de pouvoir faire en sorte que le vaccin que vous avez, le vaccin, c'est quoi? C'est la véritable connaissance connaissante qui peut muter en fonction des variants qui vous attaquent. Parce que lorsque vous avez la connaissance connaissante, les variants, quelles que soient les formes que les variants vont prendre, vous serez toujours fort à dire oui ou non. Vous serez toujours fort à monter. Donc, les variants spirituels sont multiples. Les variants spirituels, ça peut être aussi les copines. Vous ne vous contentez pas de la femme que vous avez. Vous avez mille et une copines. Mais est-ce que vous savez que là, vous allez créer une entrée des variants? Mais ces variants, ça peut être les variants de la fauche. C'est parce que cette dame que vous allez sortir, des fois, c'est une bordélique. Elle traîne sur le sillage de son âme des entités négatives. Voyez-vous, vous ne savez pas qui la sort, vous ne savez pas qui la touche, vous ne savez pas qui l'embrasse, vous ne savez pas qui elle va, avec qui elle parle, avec qui elle dort, vous ne savez pas si elle est sorcière, vous ne savez pas si elle sort à vampire ou pas. Donc voilà un variant qu'il faut également éliminer dans vos vies. Les copines, ça va vous amener quoi? Oh non, il y a trop de femmes, mais les femmes souffrent, ceci, cela. Est-ce que vous êtes Dieu pour trouver des solutions? Vous pensez que c'est en allant coucher avec elle à l'hôtel en lui donnant 20 000? C'est ça là qui va arranger, qui va arrêter les souffrances de cette femme-là. Pour arrêter les souffrances de cette jeune dame, ben, Dieu s'en occupe d'abord, et ensuite vous, si vous voulez l'aider, vous voulez dire, ben maman, écoutez, moi, je ne promets pas, je ne peux pas dire à 100% que je suis fidèle, mais je ne suis pas prêt à tromper mon épouse. Ce que je peux faire, je peux vous aider, mademoiselle. Je vais vous remettre une somme de 50 000. Cette somme de 50 000 que je vous donne, ne venez plus vers moi. Rassurez-vous. Je vous donne cette somme de 50 000. Allez-y m'acheter un sac de tarots. Et commencez à me vendre 3 à 4 tarots à raison de 500 francs CFA. Car ce sac-là de 500 francs le tarot peut vous rapporter probablement 100 000. Et de 100 000, vous allez mettre de côté les 50 000 qu'on appelle le bénéfice. Car la valeur ajoutée, eh bien, c'est le bénéfice. Et de ce bénéfice, donc, maintenant, ça va, au bout de temps, multiplier. Maintenant, vous avez commencé avec le sac de tarot. Eh bien, le petit bénéfice que vous avez, retirez 10 000 dessus, allez-y m'acheter 4 paquets d'œufs. Commencez à me faire des œufs à la maison. Il y a le corona, mais il y aura tous les voisins qui vont venir manger les œufs avec le piment. Ils aiment bien ça. Bon, en dehors de ça, eh bien, achetez-vous des haricots, les haricots rouges. Les haricots rouges, là, même s'il n'y a pas la viande, ben, si vous savez préparer, vous verrez que les gens vont être forts, ils ne vont plus être trop stressés. Eh bien, maintenant, l'argent s'est multiplié. Après 3 mois, tu as combien de bénéfices? 300 000. Bon, de 300 000, je crois que je vais aller m'acheter 2 casiers de regarde, 2 whisky, ceci, cela. Je fais mon petit business dans le coin de ma maison. Et je vais m'acheter aussi 3 kilos de poissons rouges parce que je vais commencer à préparer le bouillon. Voilà comment vous aurez sauvé la vie d'une jeune dame. Au lieu de la prostituer, au lieu de la faire prostituer, au lieu que vous puissiez être ce variant négatif pour l'avenir de cette jeune dame-là. Est-ce qu'il peut avoir 10 personnes qui réfléchissent comme votre humble serviteur? Est-ce qu'on peut avoir 10 ou 100 qui peuvent raisonner comme ça pour pouvoir éradiquer la pauvreté, pour pouvoir éviter de trop dépendre de la politique? Parce que la politique, c'est l'un des plus grands variants les plus dangereux. Voilà, la politique, je le répète, est l'un des plus grands variants. Je pourrais dire que c'est le plus grand variant, le variant le plus dangereux du monde. C'est ça. Parce que si ce n'était pas un variant dangereux, en mutation de forme, en train de changer les formes à chaque fois, en train de mentir, faire du banditisme, mais on n'aurait pas de grève, on n'aurait pas des résistants en train de vociférer à gauche, à droite, on n'aurait pas de cas de cadavres à cause des rites criminels, des rituels, crimes rituels, pour pouvoir renforcer des pouvoirs magiques ou si cela. On n'aurait pas des routes calboignées, des écoles calboignées, parce que justement, on a des variants. Donc voilà pourquoi je vous dis, la politique, c'est la forme des variants la plus dangereuse. Ne voyez pas seulement le variant Omicron. Voilà le variant Omicron qui est en train de nous foutre le bordel dans l'État de l'Ohio, qui fait de l'Ohio maintenant l'État le plus atteint des États-Unis, mais le pays le plus atteint maintenant à travers le monde. L'État dans lequel je suis, à peine 12 ou 15 millions d'habitants. Mais c'est grave ça. Voyez-vous? Mais il faut vous immuniser. Et l'immunisation passe par le vaccin. Le vaccin, je vous l'ai dit, ce vaccin, c'est votre conscientisation, l'éveil de votre conscience divine, l'éveil de votre divinité. Et cet éveil de la divinité, je le répète, pour ne pas être tautologique, détruire le vieil homme, alchimie interne, la dépersonnalisation, alchimie interne, la déprogrammation, alchimie externe. L'alchimie externe, c'est quoi? Écoutez, Église, alléluia, alléluia, je vous respecte. Mais M. Morion Louvier, depuis près de 7 ans que nous le voyons au public, il a toujours dit ce que les autres disent, mais il a fallu que ce soit un frère gabonais qui vienne nous le rappeler. Non, trop c'est trop. Maintenant, je peux faire ce qu'on appelle quoi? Le syncrétisme. Parce que j'ai des problèmes d'abandonner mon Jésus. J'ai des problèmes d'abandonner mon Ave Maria. Mais je vais mélanger un peu. Donc c'est ça le syncrétisme. Ce syncrétisme donc consistera pour vous de pouvoir vous harmoniser avec les variants. Des choses, des balles à imposer, et votre variant original, concret, qui est le variant des connexions, c'est-à-dire le variant qui est, le variant positif qui est en vous, c'est ce lien, ce cordon ombilical ancestral qui vous lie directement avec les vôtres. Vous gardez cela, vous le faites, et en même temps, vous pouvez avoir également le variant des balles, donc avec Maria et Jésus et tout cela, jusqu'à ce qu'au fur et à mesure que vous allez évoluer, on appelle ça une alchimie interne évolutive, afin de détruire et de décarcasser le vieil homme qui était finalement, en fait, imposé à vous. Vous allez vous en débarrasser au fur et à mesure, rassurez-vous. Pour moi, ce n'était pas facile. Hein? Le témoin de Jéhovah, là, on m'avait bourré la tête avec toute la Bible dans la tête. Et pasteur et tout, musulman, et ceci, cela. Mon Dieu, ce n'était pas facile. Donc, je faisais les deux variants, j'utilisais les deux variants, jusqu'à ce qu'il y ait eu une mutation et une fusion des deux variants. Et alors, dès lors que les deux variants ont fusionné, alors j'ai instauré le système du syncrétisme. Ce syncrétisme n'est qu'un respect vis-à-vis des enseignements, vis-à-vis des programmations qui nous ont été imposées et forcées. Moi, je ne veux pas brûler leur Bible, hein? Moi, je ne veux pas brûler leur Coran, moi, je garderai tout le respect vis-à-vis d'eux, mais ça peut aider certains frères. Là, par exemple, je fais la connaissance de certains pasteurs qui sont des frères africains, mais qui ont dit non. Vraiment, moi, j'ai peur, quand vous parlez de consultation, il fallait que je rassure ces personnes-là que non. Moi, quand je fais mes consultations, il ne s'agit pas d'évoquer des démons, il s'agit de mon esprit parce que je l'ai développé. Donc, quand j'entends à travers le timbre de votre voix, on a fait l'expérience hier soir avec le pasteur, il m'a dit, oh, ya, yo, mais là, vraiment, vous me dites des vérités. J'ai dit, mais voilà, pourtant, j'étais fatigué, je revenais du boulot. Donc, pourquoi? Parce que mon esprit s'est connecté avec le véritable variant puissant. J'ai eu le vaccin. J'ai eu le véritable vaccin contre des multivariants. Voilà, c'est ça. Quand j'ai ce vaccin, c'est quoi? Mais c'est mon âme qui s'est connectée avec l'âme universelle. Mon âme qui a réussi à fusionner avec l'âme de Dieu. L'âme de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. C'est pas aussi compliqué que ça. On n'a pas besoin de faire des discours de philosophie. On n'a pas besoin de distraire les gens pour leur dire que allez-y adorer les adorer, allez-y adorer les ancêtres. Qui vous demande d'aller adorer un ancêtre? Ça n'existe nulle part. On n'adore pas les ancêtres. Mais se connecter avec les ancêtres, c'est tout simplement les honorer. Mais honorer veut dire quoi? Mais c'est le rappel. Honorer, mais c'est mettre de l'honneur. Mais se rappeler. Mais le rappel, c'est quoi? Mais c'est le rappel, c'est-à-dire que c'est votre histoire. Je m'appelle Mouréon Nouvier. Mais Mouréon Nouvier a une histoire. Mouréon Nouvier, c'est le fils d'Apoutoutou. Apoutoutou, fils d'Adoumaga. Adoumaga, fils de Nouvier. Onouvier, fils de Mourou. Mourou, fils de Gongo. Igongo, fils d'Agalimango. Mbalimango, fils de qui? Et ainsi de suite. Je continuerai jusqu'à même à la 50e génération. Mais voici mon histoire. Mais cette histoire, c'est quoi? Mais c'est ça qui me permet d'honorer mon ancêtre. Mais le premier ancêtre qui était sur terre, c'est qui? Mais c'est celui-là que Tétan Mwanga a créé. Il a créé le premier ancêtre qui est le premier homme. Et puis tout le monde le sait. Les fouilles archéologiques, scientifiques, les découvertes récentes ont démontré bel et bien que le premier homme que Tétan Mwanga a créé, c'est un noir. Bon, même les blancs, ils l'ont caché. Mais maintenant, à cause de l'Internet, ils ont honte. Les flèches que nous voyons sur les glyphes et les hiéroglyphes, là, on nous montre quoi? Les pauvres pharaons qui avaient des nez aplatis comme le mien, on les montre maintenant avec des nez arrangés. Mais on découvre les documents originaux. Selon mon frère Gomez, le professeur agrégé d'histoire qui nous fait des histoires là sur Facebook, lui il est venu nous sortir encore les vérités, mais c'est grave. Comment il s'appelle? Cheikh Anta Diop, oh là là, allez-y mes livres, ces livres sur la révolution de la négritude. Voyez-vous? Donc, la religion négro-africaine reste le moyen par excellence qui nous permet d'avoir le véritable vaccin contre les variants spirituels, mystico-spirituels. Car nous avons toute une somme énorme de variants. Ces variants viennent de la politique, viennent des religions, viennent des systèmes philosophiques, viennent de toutes les choses à gauche, à droite, et viennent de nos propres parents également. Vous avez coupé la main? Coupez-moi cette main. Ce n'est pas Jésus des chrétiens qui avait dit ça? Que lorsque ta main là aussi, tu es là trop bon, toujours en train de... faut couper. Si le pied est en train de trop sur les prostituées là, chez la fille, au lieu de lui donner les 50 000, comme j'ai dit au départ, recette gratuite, que vous pouvez aider une jeune fille qui était votre copine, dit, bah maman, moi aussi, je dois m'occuper de ma famille, je dois m'occuper de mien. Bah écoute, maintenant, j'en ai marre que tu te plains que non, j'ai les diplômes, je suis venu de Londres, il n'y a rien, il y a ceci et cela. Maintenant, je vais te donner un petit investissement. Ce petit capital-là, tu le prends. Bon, peut-être que tu as Paul en dehors de moi. Tu as également Guy en dehors de moi. Tu as également Robert en dehors de moi. Donc, tu vas demander à Robert, Guy et Paul que chacun te donne 50-50 et moi, je vais donner le double. Moi, je te donne donc 150. Tu as 8 copies. Viens venir me revoir. Et puis, la jeune dame revient, l'amène là-bas. 400 000 francs, CFA. Très bien. Maintenant, je vais te donner des idées. Donc, maman, je vais t'apprendre ce qu'on appelle la variation et la mutation des variants. Je vais t'amener donc vers le variant positif qui va te protéger, te donner le véritable vaccin. Un vaccin anti-prostitution, un vaccin anti-banditisme et mensonge, un vaccin anti-sida. C'est celui qui consistera pour toi maintenant d'investir pour ton avenir. Prends cet argent, crée une petite entreprise. Bon, les idées ne manquent pas. Hein? Voilà, dans les forums, je donne des idées, des gens qui m'appellent. Vous pouvez payer 10 poulets, vous pouvez commencer avec 2 rats. Pardon, on appelle ça comme les lapins au tapement. Même les rats palmistes chez nous, au niveau de l'Ogobindo, les rats palmistes, ça s'élève, ça se multiplie. Un rat palmiste, vous pouvez le vendre à 5 000 francs. Hein? Et vous le faites multiplier, il se multiplie vite. Vous attrapez un rat palmiste féminin, masculin, vous le mettez dans la même cage. Vous prenez un lapin, un machin, une lapine. Comment on dit encore, pardonnez-moi, j'oublie même le français. Donc, bref, la cohabitation de ces créatures-là qui contribuent à l'existentialité et à la vitalité de l'homme peut vous aider à évoluer et puis gardez votre vaccin antivariant, gardez votre vaccin actif, et puis tous ces variants-là ne vont pas vous perturber. D'accord? Des personnalités, des personnalisations, des individualisations, des individualisations, des informations, des programmations, et puis voilà. vous utilisez seulement des. Donc, j'espère que je suis convaincu que l'an 2022, ce sera un an que vous pouvez faire de meilleures choses et que vous pouvez vous harmoniser toujours tranquillement avec ces variants. Mais nous savons qui sont les variants négatifs parce que c'est des variants qui changent trop de forme. Est-ce que nous sommes ce genre d'individus qui sommes prêts à aller avec la vague et le vent des variants qui changent n'importe comment? Ou bien nous sommes celui-là ou celle-là qui est capable de canaliser les variants et de savoir harmoniser le mauvais variant et le bon variant afin de créer le vaccin. Mais ce vaccin, c'est quoi? C'est lorsque vous allez décider dès aujourd'hui que désormais je suis le commandant de ma barque, je suis le capitaine de mon bateau et que quels que soient les vents, c'est moi qui dois diriger. C'est moi-même qui prends finalement l'équerre. Je prends finalement le compas, je prends finalement le crayon et le bic et je détermine à quelle symétrie, à quel niveau géométrique, à quel niveau algomérique je veux me diriger et quelle formule. Est-ce que je prendrai la formule de Pascal? Est-ce que je prendrai la formule de Pythagore pour pouvoir avancer ma barque? Et c'est ainsi, je me dirige donc vers nord, ouest, sud, 380 degrés. Je répète, nord, ouest, sud. 380 degrés. Voilà la direction que nous prenons. Et quand vous allez vérifier votre compas, ça vous amène tout droit vers Teta Monga du Vanga Vanga, sous couvert du cordon ombilical ancestral qui vous permet d'avoir accès aux arcanes secrètes. Et pour avoir accès à ces arcanes secrètes, ce sont les connaissances qu'on vous partage ici, les connaissances connaissantes qui n'ont rien à voir avec les connaissances savoisiennes. Et c'est ce qui vous permet de maîtriser le rite de nos ancêtres. Et lesquels rites des ancêtres sont exposés bel et bien ici. Et certains vont vous être diffusés le moment venu. Soyez simplement patients. J'ai promis vous donner le rite de l'Iboga. Chers hommes, vous qui souffrez de ce qu'on appelle le dysfonctionnement érectile, préparez-vous, prenez vos bics. Mais ce n'est pas nécessaire. Écoutez seulement. Vous me prenez la poudre de l'Iboga, le vrai, vrai, vrai Iboga de chez vous. Et vous prenez un verre de whisky. Un verre de whisky que vous allez mélanger avec un dosage de l'Iboga. Vous mettez le tout dans une bouteille. Vous laissez fermenter pendant 5 jours. Voici votre remède. Et vous allez boire tranquillement votre Iboga mélangé avec le whisky. 3 heures minimum assurées par jour. 24 sur 24, vous serez le moteur toujours en train de démarrer. Voici ma recette gratuite pour les hommes. Parmi les milliers de recettes. D'accord? Bien, je vais maintenant prendre vos questions. Avons-nous des questions ici? Merci beaucoup de me faire accepter mon mot à l'Académie française. Oh là là. Bien, apparemment, il n'y a pas de questions. Et que nous allons tous nous souhaiter donc bonne heureuse année à tous. Merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Alors, une fois de plus, merci. Nous avons passé une bonne année. Nous avons connu des maladies, nous avons connu des difficultés, nous avons connu des problèmes. Mais l'une des meilleures façons, justement, pour ne pas continuer avec ces mêmes problèmes, c'est de fermer la porte en 2021. C'est-à-dire, c'est de taper un coup de pied aux variants de 2021 et rentrons maintenant avec les variants positifs de 2022. C'est-à-dire, centrer notre esprit sur des choses essentielles. D'accord? Et ceci étant, nous allons nous séparer donc en écoutant cette belle mélodie que j'aime bien et que je n'ai pas les droits d'auteur. Je n'ai pas les droits d'auteur sur cette chanson, je vous promets. What's going on? Voilà, donc pour la bonne année, nous allons nous séparer sur cette belle chanson. Et accordez-moi au moins une semaine pour le temps de me proposer pour pouvoir m'occuper de vos préoccupations. Merci. Merci beaucoup. Oh, est-ce que là? Pardonnez-moi. Oh, la régie a des petites caprices, veuillez me pardonner. Mm-hmm.

régie et merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Oh là là, c'était une surprise. Vous étiez nombreux aujourd'hui, hein? Près de 90 personnes m'ont regardé. Merci beaucoup pour votre temps et surtout, soyez très sages. Ne vous affolez pas parce qu'on fête tous les jours. Sauf que c'est un jour exceptionnel. Si vous avez prié comme moi le 31 décembre jusqu'au 1er janvier, tant mieux. Mais si vous ne l'avez pas fait, faites-le également ce soir, d'accord? Buvez chez vous, mangez modérément, n'en abusez point. Pas trop de fêtes, évitez de rouler comme des fous. Ne roulez pas, n'allez pas derrière le volant de la voiture si vous êtes sous l'effet de l'alcool. Si vous avez touché à l'alcool, ne le faites pas, s'il vous plaît. C'est là où on a ce qu'on appelle le grand variant. Le grand variant mortel, ce que les chrétiens appellent le diable, rôde en ce moment sur toute la planète Terre, prêt à dévorer quelqu'un qui va être distrait. Et lorsque vous êtes distrait, c'est généralement là que la mort vous surprend. Mais lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes tout éveillé, la mort ne vous surprend pas. Seul Dieu lui-même, détenteur, propriétaire de la vie et de la mort, sera capable de vous dire, bon, mon fils, ma fille, il est grand temps que tu viennes. Mais vous n'allez pas mourir par un accident brutal. Vous n'allez pas mourir par un accident bizarre. Vous n'allez pas mourir sous couvert d'un poison parce que vous êtes allé manger chez un frère en qui vous avez confiance, qui vous empoisonne dans la nourriture, qui vous empoisonne dans les boissons. Et je vous dis, en vérité, 2022, c'est une année de succès, une année de prospérité, une année de paix, une année de variants négatifs, malheureusement. Et ces variants négatifs, vous allez les trouver au sein de vos familles, au sein des amis, au sein des entreprises, au sein de la résistance. Je parle à mes jeunes qui sont en train de crier là-bas, à gauche, à droite, les attaques entre vous qui ne servent à rien, alors que le véritable objectif, c'est de pouvoir s'en débarrasser d'un système qui prend conscience au fur et à mesure. Et ce système va, justement, va partir. Mais il ne peut point partir quand vous êtes là en train de vous distraire, de distraire le peuple gabonais. Là, je m'adresse un peu à nos amis qui font la politique là. Entendez-vous, construisez la nation. Maintenant, les variants, justement, les variants de poison vont venir là au cours de ces histoires de fêtes. On vous invite, vous partez là-bas. Même parmi vos propres frères, ce sont eux qui vont vous empoisonner. Et après, on assistera à des morts bizarres. Rassurez-vous que l'Union, hein, quand vous allez lire l'Union de demain, là, vous allez voir plein d'accidents, plein de morts bizarres. Oh, ceci, cela. Après, on dira que c'est le virus, c'est le COVID qui a tué quelqu'un. Le COVID n'est qu'une excuse. Mais en réalité, le véritable COVID, le véritable variant, pardonnez-moi, c'est le mauvais vent qui souffle. À chaque fois qu'une année finit, il y a un nouveau vent qui vient, mais il y a également le mauvais vent que nous avons laissé passer avec 2021, mais qui s'accroche toujours. Et c'est nous qui continuons à la survie de ce mauvais vent-là. Bref, je vais faire un autre enseignement très profond. Je vois déjà le titre. Vous êtes trop distrait et voilà pourquoi vous partez vite. La distraction peut-elle nous amener à quitter ce monde? Oui, la réponse est oui. Et je vous en parlerai. Bon, pas forcément en live parce que vous devez vous reposer, vous devez vous faire vos ambiances. Mangez bien, amusez-vous bien. Mais je vais le faire en différé. Parce qu'il s'est fait tard. Et puis je vois, il y a quelqu'un là qui m'a appelé, on avait rendez-vous de consultation. Mais en réalité, c'était une prise de contact à 17h. Comme il est 17h10, je ne l'en veux pas. C'est lui qui a perturbé la chanson. Portez-vous donc bien. Portez à cœur mes conseils. Si vous pensez que ça peut vous servir, s'il vous plaît, suivez. Mais si vous pensez que ça ne peut pas vous servir, que ce que je viens de dire, c'est n'importe quoi, oubliez. Et puis évitez de venir me critiquer sur mes vidéos pour dire que non, j'ai mal parlé, j'ai dit n'importe quoi. Apportez-moi des critiques positives dans les forums. Appelez-moi, vous avez la liberté. Je ne refuse pas que je suis un humain, je peux me tromper. Et comme je vous ai dit, je ne me prépare pas quand je fais mes enseignements. Je parle, je suis inspiré. Je me suis inspiré de ce variant à cause de la situation dans mon état, l'état de l'Ohio. C'est en train de nous tuer vraiment, carboigné. Plein de collègues là, 27, ils sont tous carboignés, ils sont malades. Pas, y compris la majorité, y compris le vaccin. Bon, Dieu merci qu'il n'y a eu qu'un seul mort. Et le mort là, bon, il était à sa première dose. Donc, c'est pour vous dire que la situation est grave. Hein. Là, je vous parle seulement de mon département ministériel, là où je travaille. Mais tout l'état de l'Ohio, on est carboigné. Hein. Donc, c'est pour vous dire que je me suis inspiré de cela pour parler des variants spirituels. Tout comme ce variant-là, Omicron-là, va tenter de tuer beaucoup de personnes, va tenter de les distraire n'importe comment. Eh bien, parce qu'on suit les ambiances de football. Comme on a la finale là, des histoires de football, et mon équipe, là, l'Ohio State de chez moi, ils vont jouer demain, ceci, cela. Il y a Georgia qui a gagné, il y a Alabama qui a gagné. C'est les furies de la folie. Mais c'est là où le virus Omicron, là aussi, dit, oh, Moi, je suis là, hein, au micro, vous allez blaguer avec moi, moi, je veux bien vous terrasser. Mais si vous restez tranquillement comme Moréon ou bien chez lui, à la maison, hein, vous restez tranquille, vous protégez, si vous partez chercher quelque chose dehors, vous mettez votre masque. Au micro, on ne viendra pas vers vous. Donc, soyez sages. Une fois de plus, j'insiste. Parce que parmi vous, là, malheureusement, il y a certains que je vois en train de nous quitter. Donc, pardon, je ne veux pas que ceci vous arrive. Je vous parle, vous savez, je ne prends pas d'alcool. Bon, je suis un peu peut-être fatigué parce que je n'ai pas mangé, je jeûne. Mais c'est la vérité que je vous dis. Les esprits me disent que faites très attention, vous tous là qui me regardez là. Il y a certains là qui vont être surpris par cette affaire de variants mystiques. Les variants mystiques, c'est la sorcellerie, bien sûr. Vous savez déjà ce que c'est. Donc, portez-vous bien, ok? Faisons des efforts. Vous avez écouté le bilan. Nous aimerions avoir un bilan positif pour l'année 2022. Pardonnez-moi, c'est le technicien déjà qui tente de me couper déjà le live, qui me dit, oh, faut arrêter. Retrouvons-nous. Je vais faire un petit live là tout à l'heure, en différé. Rassurez-vous, je vais vous gâter pour la fin de l'année, pour vous permettre de rentrer en l'an 2022 avec un peu plus de force et de motivation. Vous avez besoin de la motivation. Sur Facebook, là, je prends mes vacances. Je ne peux pas être là-bas. Donc, merci encore. Merci beaucoup. Merci. Et je vous remercie personnellement, individuellement, tous ceux qui m'ont envoyé les messages de meilleurs voeux et tout et tout. Merci beaucoup. Que ce soit sur ma page Facebook, que ce soit sur mon compte Facebook, que ce soit dans mes téléphones privés. Bon, maintenant, je vous annonce également que ceux qui ont l'habitude de me contacter, sauf quand je suis à la maison, il est où? Ça, c'est mon deuxième téléphone. Bon, le troisième, là-bas, c'est pour le travail. Ceux qui me joignent souvent au numéro, là, c'est-à-dire le 614-266-1663, ce numéro-là, il est suspendu. J'ai fait exprès de le suspendre parce qu'il y a beaucoup d'activités qui doivent être revues là-dedans. Mais il est connecté sur le Wi-Fi. Il est connecté. Donc, vous pouvez me contacter beaucoup plus en Wi-Fi. Laissez les messages sur WhatsApp. Je ne sais pas trop qui. Mais je n'ai pas Telegram ici. Là. Je vous parle de ceux qui ont mon numéro, le 614-266-1663. Oui. Vous avez constaté que je ne vous réponds pas. Ben, pourquoi? Parce que quand je vais dehors, je ne l'amène pas. Quand je suis au travail, je ne l'amène pas. J'ai coupé la connexion. Mais par contre, ça passe étant à domicile à cause du Wi-Fi, le Wi-Fi autant pour moi. D'accord? C'est ce que je voulais vous dire pour clôturer. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore. Amusez-vous bien, mais soyez sages. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Soyez bénis. Que Tétan Mwanga vous apporte une pluie de bénédictions. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.